on the rocks y... If you're looking for trouble, you came to the right place. Sugar Fuck called me last night. C'était très bien. Vous c'était bien là-bas. She said yeah. Vous c'était bien, ça c'est... comme c'est comme ça. Yeah. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Yeah. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rock, c'est spécial quiz ce soir, vous le connaissez ce générique désormais, vous en avez l'habitude, c'est une spéciale quiz, et alors là, beaucoup d'émotions ce soir, puisque une équipe, alors d'habitude, vraiment, c'est vraiment des branquignoles d'habitude dans quiz, mais là ce soir, là vraiment, ils ont bien fait leur devoir, ils sont très très sages, et beaucoup d'émotions de retrouver toute cette petite équipe, alors d'abord... Amos, bonsoir Amos. Ah bonsoir. Donc t'es un habitué là maintenant de Quij, c'est ta deuxième. C'est ma deuxième. Ah, ouais. Voilà. Très bien, mais tu es venu avec Celtic Vagabond. Exactement. T'as vu, j'ai progressé 2026. 2026, l'année de la prononciation correcte dans The Rocks. Et pour t'accompagner ce soir, une chroniqueuse, un chroniqueur que je suis très très heureux de retrouver. C'était assez inespéré cette histoire. Mais pour les plus anciens dans The Rocks, c'est-à-dire les vieux, qui écoutent The Rocks. Vous les avez aimés, vous les avez écoutés dans cette émission, on les a défendus bec et ongles. Eh bien, ils reviennent. C'était à l'époque de 16 Pack. Bravo! Mais ouais, mais alors, bon. Et donc, c'est, bah, je voulais vous présenter. Monsieur d'abord. Ah, monsieur. Pourquoi pas? Bah, François, donc, moi, je suis le guitariste de 16 Pack. Enfin, j'étais, parce qu'en ce moment, on est un peu en pause. Voilà. Oui, on en parlera de la pause. En pause, mais pas en froid, ouais. Puisqu'on est venus tous les deux ce soir. Et moi, je suis Emma, je suis la chanteuse de 16 Pack. Vous pouvez retrouver sur ontherocks.net dans l'onglet émissions spéciales. Dans les archives, vous fouillez un petit peu, vous remontez, vous trouvez les émissions spéciales 16 Pack. Il faut remonter. Vous arrêtez à René Coty et vous tournez à droite. Non, mais grand plaisir de vous retrouver, en tout cas tous les deux ce soir. Ça me fait vraiment, ça vraiment me fait chaud au cœur. Ouais. Ah, bah, c'est voilà. Clair, c'est partagé. Bon, et je sais que François, tu écoutes. Tu es un de mes auditeurs réguliers. Donc, j'écoute pas, je surveille en fait. Oui, c'est ça. Là, il a pointé, il a dit il y a trois mois, t'as mal prononcé un truc. Bon, ok. Donc ce soir, le principe de quiz est toujours le même, c'est-à-dire que je vous ai mis dans les oreilles quatre albums récents. Alors, du coup, comme ça fait longtemps que je vous ai mis dans les oreilles, c'est pas non plus des derniers jours, mais quatre albums récents, et puis vous êtes tous les trois à devoir les chroniquer ce soir, à dire ce que vous en pensez. Et vous avez rapporté également un morceau chacun. Mm-hmm. Voilà, que vous allez défendre, non pas sur clé USB ou gramophone, François, mais je les ai quand même. On va commencer par le petit coup de cœur de l'émission, comme d'habitude, puisque vous êtes des habitués. Father John Misty vient de sortir un nouveau morceau. Alors moi, je suis toujours très très fan de Father John Misty. Là, c'est juste un single avec, voilà, il y a un morceau inédit dessus. On attend l'album. Vous connaissez ça un petit peu? Vous aimez? Vous un petit peu, ouais. Ouais. Ah ouais. Amos, ouais. Bah, de nom, et puis surtout à travers tes émissions. C'est ça. C'est ça. C'est parce que je vous embête un peu avec ça. Donc, le dernier, Father John Misty s'appelle The Old Law. Il va être enchaîné avec deux petites cartes de visite musicales pour nous rappeler quand même qui est dans les studios ce soir, parce que messieurs dames, c'est pas n'importe qui. Exactement. Et puis après, eh ben, on attaque directement avec, les albums. On commencera par, je vous dis pas, vous verrez bien. Vous le voyez sur l'écran d'ailleurs. C'est parti. Ça s'appelle On the Rock Squeeze et ça va être une belle émission, messieurs dames. In the bathroom to be in its way. Someone erased my audio tapes. I don't know what to do in such circumstances. Cookies with just tastes so damn good. Faire présentation en musique. À l'instant, c'était Celtic Vagabond avec un C comme que, tiré du dernier album, un des sommets du dernier album. Je la diffuse souvent celle-là, hein, mais je l'aime beaucoup, je dois dire. Avec Amos ici présent qui officie sur ce morceau. Pas sur celui-là. Je suis pas sur celui-là. Mais oui, dans la version studio. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Sur scène, oui, mais dans la version studio, non. C'est pas très sympa quand même. Non, c'est pas. De toute façon, je suis pas un mec sympa. Fried Chicken, donc, tiré du dernier album, toujours en vente libre. Tout à fait. Voilà, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Retiré de Spotify. On a tout retiré de Spotify très récemment, là. D'accord, très bien. Voilà. Bravo. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Bah, j'espère, bravo. Pour les bonnes raisons, j'espère. Voilà, c'est ça. Et juste avant, c'était 16 Pack avec Someone Erased My Radio Tape. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas entendu, ce morceau. Bah, ouais, c'était exactement la question qu'on se posait. On se disait, mais c'est. Pourquoi ce morceau-là? Je me demandais quel âge j'avais quand je chantais. Peut-être 10 ans ou 12 ans. Eh ben moi j'avoue que quand j'ai préparé l'émission et que j'ai réécouté un peu tout ça, celui-là, je l'avais un peu oublié ce morceau et je me suis dit il est vachement bien ce morceau. Et voilà, très assez différent de ce que vous faisiez. Tout à fait. Avant ou après, ouais. Un morceau un peu à part. Mais voilà, bon. Et puis juste avant, c'était Father John Misty qui n'a pas pu venir ce soir avec The Old Law. Et je vous conseille vraiment d'aller plonger dans toute la discographie de Josh Stillman. Bah enfin, alors, clairement, moi je connaissais pas, mais c'est super, je trouve. Tout est très très bien. Hein, ouais. Toujours un peu surprenant et toujours un peu, voilà. Ça peut rappeler au niveau de la voix les tout premiers albums années 60, début des années 70, d'Elton John, au niveau de la voix. Ah ouais? Mais un peu plus aventureux au niveau de musical, il va sur des chemins un peu plus barrés de temps en temps. Ouais. Je vous conseille vraiment ça. Et ce qu'il nous disait, Amos, c'est qu'il était américain et qu'il vient de Rockville. Il est né à Rockville. Et c'est pas mal quand même. Ça s'invente pas. Bah, Rockville, vous y êtes ce soir. C'est une session de quiz. Le principe, donc, en est le suivant. François, Emma et Amos, ici, vous venez d'entendre sur disque, vont critiquer positivement ou négativement les disques des autres, et on va commencer par celui de Juliana Hatfield, qui, alors c'est la vétérante hein, de la sélection de ce soir, 40 ans de carrière, 30 ans de disques quand même, voilà, et une fidélité au son de ses premiers albums. Le premier album date de 1992, celui qu'on va chroniquer ce soir s'appelle Lightning Might Strike. Voilà, elle alterne entre des albums avec son trio qui s'appelait Juliana Hatfield 3. Elle a fait quelques projets parallèles. Je vous conseille un très bel album qui s'appelle Minor Alps, les Alpes mineures, donc, avec Matthew Coe de Nada Surf. C'est un duo et c'est vraiment très très très très bien. Voilà, elle a fait des albums de reprise, un de Electric Light Orchestra, un de Olivia Newton-John et un de Police. Son nouvel album donc arrive, il a demandé 2 ans de travail. Elle a déménagé de Cambridge dans le Massachusetts. Pas une très très bonne période pour elle. Elle raconte tout ça dans son album. C'est un album des coups durs, l'isolement, la mort de sa meilleure amie, la dépression, etc. etc. Et elle joue de tout, guitare, clavier, elle harmonise avec elle-même comme elle le dit dans un des titres de l'album. Elle joue de la basse, des percus. Et est-ce que vous connaissiez cette Juliana Hatfield avant de bosser, de faire votre devoir ce soir? Alors perso, pas Emma. Du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Pas du tout. Donc, très bien. Voilà. Donc, découverte. Découverte. François. Ouais, bah moi, je la connaissais de nom, effectivement, parce que c'est vrai que, comme j'ai goûté beaucoup ce genre de musique dans les années 90, bah forcément... 1990. Oui, 1990. Non, pas 1900. Et donc, du coup, effectivement, je connaissais de nom, mais c'est vrai que je m'étais jamais... j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment écouté... Un album ou quoi, ouais. D'accord. Amos ? Je connaissais de nom, mais vraiment que de nom. Très bien. Bon, on va se passer le morceau qui, je crois, est le single qui s'appelle Popsicle, qui est tiré de l'album. Je crois que c'est le troisième morceau de cet album. Et après, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. C'est parti. C'était Juliana Hatfield qui a donc déménagé au Massachusetts. Je viens de recevoir un message du Boulin. On en reparlera plus tard de ma prononciation. Eh bien, voilà. Qu'en avez-vous pensé de cet album de Juliana Hatfield, messieurs, dames, qui démarre? Ouais, je veux bien démarrer. Allez, François, c'est parti. En fait, cet album a partiellement répondu à ma question de savoir pourquoi je n'avais jamais vraiment écouté Juliana Hatfield. Ça commence très fort. Alors pas du tout que c'est vraiment honteux ou mal, c'est juste que j'ai jamais eu l'étincelle avec elle, quoi. En fait, c'est toujours à l'époque, il y avait plein de groupes qui faisaient à peu près la même chose, à quelque chose près, mais que j'ai écouté plein de fois, et Juliana Hatfield jamais. Et effectivement, en écoutant l'album, ce que je me suis dit, c'est que c'est bien, mais pas forcément envie d'aller au-delà de ça, quoi. Puis c'est vrai que ça faisait, pour moi, ça fait tellement années 90 le son. je me suis dit, mais pourquoi on écouterait ça aujourd'hui en 2025 alors que c'est exact, enfin, en tout cas pour moi, c'est exactement ce que j'écoutais en 93-94. J'en ai écouté des pelletés de gros comme ça, je sais pas. En plus, ce morceau-là, ça me fait penser à Sleeper, je sais pas si tu te souviens. Oui, oui, oui. C'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, quoi, c'est pas honteux, c'est pas mal, mais bon. Tu n'as pas vomi? Non, mais c'est, peut-être qu'il y a, je dis pas de si, il y a 30 ans, j'aurais peut-être écouté ça avec un certain plaisir, mais aujourd'hui, non. Mais ça fait quasi d'accord. Comme si on se la pétait un peu, mais en fait, on discutait dans la voiture, tous les deux, et puis je me disais, ouais, effectivement, ça me laisse assez froide. Après, la fille, ben, elle envoie, hein. À la voix, elle a vraiment de la voix, c'est assez carré, enfin c'est bien fait, etc. Mais ça, en tout cas, ça m'a pas laissé, ça m'a laissé assez froide, quoi. Ça m'a pas électrisé ou je me suis pas dit oh là là, il y a quelque chose qui passe de fou dans cet album. Et la seule qui m'a fait quelque chose, c'est Popsicle. Donc je pense ça que là, ouais. Voilà, et que je trouve très bien. Après, je trouve que ça fait très pop américaine. Peut-être que la pop pour moi en tout cas c'est plutôt britannique. Mmh. Mmh. Et oui, Amos opine. Alors, bon. Je t'ai vu opiner du chef. Ah bon? Tu as fait comme ça. Ah bah. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Carrément. Alors qu'en dis-tu toi? Alors, j'ai pas accroché. Moi, je suis du même avis. Je trouve que Popsicle, c'est le seul qui m'est resté en tête. C'est le seul qui m'est vraiment me reste en tête, même après avoir écouté l'album. Plus efficace. Le reste de l'album, je le trouve long. Alors qu'il n'est pas. Il n'est pas très long, mais je l'ai trouvé vraiment long à l'écoute. Ressenti double. Ouais. Ouais, le ressenti que j'ai eu, c'est que c'est très répétitif. C'est souvent plus ou moins le même arrangement, ça bouge pas trop, c'est très plat. Et le truc c'est que j'ai vu, je suis allé voir par curiosité la description sur Spotify de sa bio quoi. Mmh. Et elle est dans sa bio, il y a écrit qu'elle est contemporaine des Pixies. Et je me suis dit bah enfin ah ouais la, ça attire la comparaison du coup et la comparaison elle est pas enfin en même temps les contemporaines de Gérard Larcher aussi. Oui. Donc, ça veut pas dire grand chose. Donc je me dis ouais, moi j'ai trouvé que c'était trop comme à l'époque, qu'il y avait un sentiment de il y a pas de volonté de se renouveler vraiment. Après voilà, j'ai pas écouté ce qu'elle faisait dans les années 90 ni même fin 80. Mais c'est un style qui est pas désagréable, mais qui il y a tellement d'autres groupes qui ont fait exactement ça mieux, et je trouve que ça n'apporte rien de nouveau quoi. Je suis assez sensible à l'originalité. Mmh. Et là il y en a pas. Mmh. Est-ce que tu peux amener quelque chose de nouveau quand t'as travaillé, enfin ça c'est une autre question, est-ce que en tant que groupe quand t'as des références, un certain nom, une certaine idée de ta musique, est-ce que tu arrives à te renouveler vraiment drastiquement, tu vois? Alors je pense que ça dépend des artistes. Elle, je pense qu'elle est clairement pas dans cette catégorie-là. Ouais. Elle est clairement dans la catégorie. Alors moi, c'est, je suis un peu d'accord avec vous. C'est ce qui fait un peu le défaut de cet album, c'est-à-dire que on a l'impression de l'avoir entendu plein de fois. C'est pas surprenant. Moi, je me suis un peu ennuyé aussi sur la longueur. Ouais. J'aime bien le dernier titre, dernier qui commence un peu acoustique, qui là m'a un peu réveillé. J'aimais bien les trois premiers titres. Puis voilà, on se surprend à penser à autre chose en écoutant l'album, quoi. Ça nous accroche pas vraiment. Et en même temps, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai une tendresse et qui a un vrai petit talent quand même d'écriture, d'harmonie, de choses. J'étais très très fan, par exemple, du premier album des Bangles. Alors, ça y ressemble un petit peu. Ça ressemble aussi un petit peu à Sheryl Crow, effectivement, à toutes ces choses pop qui moi j'aime bien. Sheryl Crow, par ailleurs, mais effectivement, elle n'invente rien. Bah oui, c'est ça. Et ce qui fait le défaut de l'album, pour moi, c'est une des qualités aussi, c'est que j'ai l'impression de retrouver une vieille copine que j'ai pas vue depuis longtemps et qui a pas changé. Ah, tu t'es un peu coupé les cheveux, mais bon, voilà, quoi. Et ouais, c'est exactement la même chose. Donc, c'est confortable, en fait. C'est confortable parce qu'on retombe dans des sonorités qu'on connaît. Mais effectivement, ça bouleverse pas, quoi. Voilà. Après, Sheryl Crow, je trouve qu'elle avait une voix un peu plus, qui décoiffait un peu plus, quoi. Ouais. C'est vrai. Elle, Juliana Hatfield, c'est un peu plus, un peu plus Olivia Newton-John dans l'idée. Tu vois, ça m'étonne pas qu'elle l'ait reprise. Alors je vous conseille quand même l'album avec Mathieu Cause hein, de Nada Surf qui s'appelle donc Minor Alps, qui est vraiment vraiment chouette. Mais bon, moi j'ai envie de la défendre, Juliana Hatfield, j'ai toujours une petite tendresse pour elle. Mais c'est vrai que bon, c'est pas un album qui va révolutionner ni sa discographie ni la musique en fait. Ça, attention, on n'a pas dit que c'était désagréable. Hein. Ah non. Mais... non, c'est un style qui est bien et c'est bien fait. Mais c'est juste, ça apporte rien de nouveau. Voilà, exactement. Moi, c'est vraiment juste ça qui. C'est vrai que j'ai pas accroché quoi. Je suis d'accord. Lightning Might Strike, c'est le nom de l'album de Julian Hatfield qui vient. Lightning. Oh purée la vache. Il ne te passe rien, personne ne te passe. Ce soir c'est dégueulasse. C'est vrai. Je vous ai demandé de m'apporter un morceau chacun et donc c'est Emma qui la première m'a dit moi ça tout de suite. Il y a longtemps donc je l'avais oublié, elle me l'a redit hier. et donc je te laisse annoncer. Alors avant quand même que tu nous parles de ce morceau et qu'on l'écoute. Que devient ta voix, Emma? Chantes-tu? Ne chantes-tu plus? Parce qu'on t'a entendu dans Six in Pack tout à l'heure, avec un peu une voix de GPS, mais c'est vraiment pour ce morceau-là. C'est ma faute. C'est pour ce morceau-là. Eh bien, écoute, je chante encore un peu, je fais du théâtre, donc je varie, je change de style et en même temps, je continue à chanter. Donc, voilà, ça... Pour l'instant, je fais un travail avec une personne sur des reprises pour voir ce qu'on peut, comment on peut le faire avec notre couleur. J'essaye de faire ce genre de choses, moi. Voilà. D'accord. Je ne me ferme aucune porte. Tu nous donneras des nouvelles? Bien sûr. Quand il y aura des choses. Ah d'accord. Donc ton choix. Alors Patrick Watson, j'avais beaucoup aimé Ode to Vivian. Piano, j'avais trouvé que c'était vraiment très très beau. Et puis je suis tombée un peu par hasard sur Peter and the Wolf et vraiment j'ai adoré cette chanson de son dernier album parce que en fait je trouve qu'il y a vraiment une ambiance. Je pense que je suis assez sensible. Enfin, il y a des ambiances qui me parlent. Celle-là, elle me parle beaucoup. Je trouve que c'est assez nostalgique. En même temps, il y a quelque chose d'un petit peu qui fait un petit peu comme un petit peu peur, quelque chose de mélangé. Bon, ça me plaît quoi, voilà. Toujours un petit peu instable les morceaux de Patrick Watson, toujours un peu en équilibre. Ouais, c'est ça, je crois. Exactement, mais qu'est-ce que tu formules bien c'est ce ça, que non, je mais ressens c'est ça, c'est ce que j'aime aussi chez Patrick Watson, c'est ouais. Que c'est alors, j'ai un souvenir perso de Patrick Watson. J'avais fait l'interview quand ils étaient passés à Orléans il y a bien longtemps et en fait lui n'avait pas décroché un mot, c'est-à-dire que c'était ses musicos qui avaient répondu à toutes les questions et lui était là dans le fauteuil, il me regardait avec un petit sourire narquois et j'avais pas eu un mot de Patrick Watson, mais bon il était là quand même, il avait assisté à l'interview. On va se passer donc, c'est tiré du dernier album de Patrick Watson et si vous ne l'avez jamais vu sur scène, je vous conseille un jour d'aller voir Patrick Watson sur scène, c'est toujours assez... en juin je crois, ouais. À Paris. Ouais, je vous conseille, c'est toujours un moment assez sympathique. Voici donc le choix de Emma. Et juste après, nous replongeons dans le quiz. I'm afraid. Vous êtes dans The Rock ce soir, spécial quiz, et c'était le choix d'Emma, ce Peter and the Wolf de Patrick Watson. Très bon choix, bravo. Merci. Ouais, les trois choix, vos trois choix sont sympathiques. Vous, ça y est, Juliana Alfield a eu son compte réglé. Et nous allons passer encore à un album un peu de la loose personnelle. Mais elle, quand Juliana Alfield a commencé, elle n'était pas née. Elle s'appelle Céleste. On s'était déjà passé quelques morceaux à l'époque de la sortie de son premier album en 2021 qui avait fait grande impression. Cet album s'appelle Woman of Faces, cet album-ci, celui qui vient de sortir. C'est une chanteuse donc qui est née aux États-Unis mais qui est anglaise, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et après 2021, une année vraiment où elle a été portée au nu, elle a eu aussi une période très très difficile, relation toxique, et donc se remettre sur pied assez difficilement, et on a résulté cet album avec une voix qui, moi, peut m'évoquer celle de Angela McCluskey. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse qui avait collaboré avec Telepop Music à une époque, chanteuse écossaise avec une voix absolument magnifique, qui malheureusement est morte très jeune il y a pas longtemps. Ou parfois alors Adèle aussi un peu de temps en temps, Céleste. Et donc je crois que cet album vient de se classer numéro 1 dans les charts anglais, là ça marche déjà très bien pour Céleste. Est-ce que vous connaissiez cette chanteuse? Alors moi je veux bien commencer parce que moi je la connaissais pas. Et j'ai beaucoup aimé cet album. Alors, faut pas le dire déjà. Mince. Mais en tout cas, d'accord, tu on la connaissais dit, pas. On a dit, on dit juste si on connaît mon nom. Ah, tu la connaissais pas. Donc, non, je la connaissais pas. Mais ça s'appelle un enthousiasme. Ouais. François? Je connaissais pas non plus, non. D'accord. Amos? Alors moi, je connaissais parce que en fait, le dernier titre de l'album, c'est le générique d'une série. Ah. Ça a été utilisé pour une série qui s'appelle The Day of the Jackal. Sur Netflix. D'accord. Je connaissais cette musique-là. Et en fait, quand j'ai écouté l'album, je pensais ne pas connaître. Et je suis arrivé au dernier titre et j'ai fait ah ok, ah oui c'est elle en fait. Et du coup voilà, je connaissais sans plus connaître, mais ouais. Bon, alors on va se passer un morceau tiré de cet album qui s'appelle People Always Change, où elle n'est pas tout seule parce qu'elle a un peu pompé Philip Glass pour l'intro de ce morceau, et plutôt bonne pioche hein, Philip Glass, et après vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je crois qu'Emma nous a déjà un petit peu dit. Stay the same, and you know where I'll be. Ce piano n'était pas tiré d'un album de Patrick Poisson, ni par Amo, c'est pas toi qui jouais du piano. C'est tiré du dernier album de Céleste, avec ce morceau « People Always Change ». Avez-vous été sur cet album ou ce morceau ou l'ensemble touché par cette voix cristalline, effacée, fragile ? Emma, c'est maintenant. Emma, elle en peut plus. Il la tienne depuis tout à l'heure. Lâchez-moi. Non mais, faut que je parle. Alors, donc, j'écoute cet album. Il faut que juste que je te dise, je suis projetée directement en Angleterre. Ouais. C'est une journée grise. Il fait froid. On a l'impression qu'il fait pas vraiment jour. Il y a un léger crachin qui tombe. J'ai mon col de manteau qui est relevé. Tu vois, je suis dans un espèce d'état un peu nostalgique, pas douloureux, mais quelque chose dans lequel, tu vois, je me sens assez confortable, quoi. Donc ça, déjà, c'est la première chose dans cet album. Une saouda de grisaille. Exactement, mais une saouda de grisaille qui est vraiment, qui correspond beaucoup, beaucoup à l'Angleterre pour moi. Mm-hmm. Et donc, voilà, déjà, il y a ce truc-là. Ensuite, l'album, en fait, je l'ai vraiment... aimé, même s'il y a ce côté très symphonique et très travaillé qui pourrait être un petit peu trop travaillé à la manière d'Adèle, où tu te dis, bon, bah voilà, c'est super produit, etc. Mais comme il y a cette voix qui est dissonante, blues, et surtout où t'as l'impression que ça va casser à un moment. Eh oui. Tout le temps. Bah, ça te laisse un petit peu sur, tu t'écoutes parce que tu te dis toujours, ça va péter. Et surtout sur ces attaques, je trouve que toutes ces attaques, elles sont tellement fragiles que ça donne ce côté intéressant à cet album. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette beauté un peu brumeuse, tu vois, une sorte de mélancolie apaisée. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, dans la voix, il y a quelque chose qui se ressent, quelque chose qui a été dur, traversé, quoi. Et voilà, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Attends, parce que j'avais vraiment beaucoup bossé le truc. Les plus de l'album, moi, j'ai trouvé que c'était On With The Show. Mm. J'ai vraiment beaucoup aimé. People Always Change aussi, celle-là. Les moins, c'est Could Be Machine. Et ça, je me suis demandé ce que ça faisait là, en me disant, ben en fait, ça colle pas du tout à la tonalité de l'album. Je l'avais noté aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord. Bon, voilà, j'ai tout balancé là, les gars, Amos, François. Qui va ? Est-ce qu'on... Vas-y, Amos. Allez, Amos. Ok, ça marche. Du coup, moi, c'est mon coup de cœur des quatre albums. Mm-hmm. Voilà. C'est une ambiance soul que j'adore. La comparaison avec Adèle. Je la comprends, mais je l'aurais pas faite. Dans le sens où c'est oui, ok, elles ont une voix similaire, très puissante, très soul, mais c'est Adèle, c'est très produit, c'est très parfait, et ça marche. Mais justement, je suis entièrement d'accord avec toi, Emma. C'est Céleste, c'est ce qui fait le charme pour moi. C'est vraiment le fait que t'as l'impression que sa voix elle va casser, quoi. Elle est au bord des larmes à chaque note, et c'est hyper agréable. Et puis même moi je suis très sensible à ce style d'orchestration, c'est pour ça aussi que j'avais vachement aimé le générique de The Tale of the Jackal, qui est donc le dernier titre de l'album, et j'ai tout autant adoré là en le réécoutant plusieurs fois en plus. Non, moi je suis vraiment très sensible à ce style là, et je trouve que c'est l'album le plus intéressant des quatre. Voilà. Mm-hmm. François. Bon, moi, je vais pouvoir faire un peu le rabat-joie. Bon, alors... Qu'est-ce qu'il est pénible. Bon, déjà, c'est vrai qu'il faut, il faut parler de la voix, parce qu'elle a quand même une voix incroyable. Ça, c'est, ça, je suis tout à fait d'accord. Une voix comme on en trouve tous les, je sais pas, on en trouve beaucoup des fois, mais là. Tous les pas souvent. Ça, ça fait longtemps qu'on a une voix qui t'attrape immédiatement, où tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cette voix, quoi. Donc c'est vrai que ça, déjà, c'est vraiment un truc incroyable. Après, c'est vrai que moi, j'ai un problème par rapport, effectivement, à la production. Ce qu'on disait, c'est pas Adèle, mais le problème que j'ai, c'est que les producteurs, ils ont voulu que ce soit Adèle, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris le, ils ont pris le truc, ils se sont dit, là, au point elle en est de sa carrière, maintenant, on met le paquet, et puis après, je suis allé voir les détails, ils sont tous 10 à faire les compositions, ils seront 15, il y a 50 à jouer sur tous les morceaux. Et du coup, le morceau que t'as passé, je me suis dit, ben voilà, moi, c'est ce que j'ai envie d'entendre, personnellement, c'est juste la voix avec quelque chose. Et du coup, on se disait, mais en fait, il faut qu'elle travaille avec Patrick Watson. En fait, ce serait exactement ça. Ce serait, et à ce moment-là, ça, enfin, en tout cas pour moi, après, je peux comprendre que d'un point de vue artistique et commercial, entre guillemets, ils ont envie d'aller au top du top parce que elle a tout à fait les moyens de jouer dans la catégorie d'Adèle, justement. Et je pense que c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire avec cet album-là, quoi, sur pas mal de morceaux. Mais après, voilà, c'est toujours donc une voix incroyable. Après, c'est vrai qu'après, c'est... Ces arrangements-là, c'est plus trop ma tasse de thé, quoi. Ça va un peu trop loin pour moi, mais après, sinon, effectivement, il y avait ce morceau-là, et puis, je sais plus, il y avait un morceau qui était assez trip-hop, que j'ai beaucoup aimé, qui était This is who I am. Là, celui-là, c'est le générique série. Ouais. Et celui-là est très trip-hop. Alors, du coup, pour le coup, ça, ouais. C'était quasi du Portishead avec une autre voix, mais ouais. Et du coup voilà, donc c'est vrai que c'est quand même un très très bon album, on peut pas critiquer. Après voilà, c'est un peu moins ma tasse de thé, ou en tout cas on va un peu trop loin dans la production pour moi, quoi. Bah, je pense qu'elle a un moment clé là, elle a un moment où faut artistiquement, je pense qu'il faut pas qu'elle se loupe. Et sur cet album, je pense qu'il y a des moments, ça vacille justement du côté, je suis tout à fait d'accord avec toi François, c'est-à-dire que moi quand j'ai découvert les premiers morceaux de Céleste en 2021, ça m'a impacté, un peu comme Angela McCluskey dont je vous parlais tout à l'heure, et Adele, mais le morceau Hometown Glory, où elle, c'était un piano-voix, où j'avais découvert Adele comme ça en me disant « waouh, c'est chouette ». Et après, très très vite, j'avais décroché sur tout le reste parce que c'est gonflé pour marcher, parce que c'est ça peut effectivement marcher. Mais pour moi, c'est un diamant brut, vraiment Céleste, c'est un diamant brut avec cette voix qui s'efface, qui effectivement, on a envie de mettre les mains en avant pour la retenir, quoi. Cette voix, et en même temps, moi, qui touche énormément. Et là, on sent qu'effectivement, sur pas mal de morceaux, ça va vers de l'Adèle, ça va vers un peu de la chantilly, ça va. Je pense que le prochain album te plaira moins. J'espère pour elle que si. C'est-à-dire que, oui, en tout cas. Je retrouve encore à plein de moments dans cet album ce qui m'avait vraiment, vraiment bouleversé, sur ses premiers pas discographiques. Mais je me suis dit sur certains autres, aïe, aïe, aïe, oula, ça y est, ça commence à être pris en main, effectivement. C'est pris en main, pris en charge. Et elle arrive malgré tout. C'est ça que je trouve très fort. On sent qu'il y a cette production et cette armada derrière, et on sent qu'elle arrive quand même à rester ce qu'elle est, à garder cette fragilité quand même. Est-ce que tu crois pas ce qui sauve le truc, c'est que ça soit symphonique? Ouais, c'est... Alors, moi je trouve que l'épure lui va bien. Je trouve que l'épure lui va très très bien. Piano, voix. Alors après, quand ça monte dans la symphonie, moi ça me dérange pas, mais c'est plutôt dans les arrangements et les intentions. Des fois, on sent des intentions de, comme tu dis François, là on y va. Je sais pas ce qu'en pense Amos, qui a peut-être plus de culture symphonique que moi, mais pour le coup, je trouve que les arrangements symphoniques sont assez, pas bateau, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, ils ont pas cherché l'originalité dans les arrangements symphoniques, quoi. Non, c'est clair. C'est efficace. Oui. Moi j'aime bien, parce que j'aime bien le son de l'orchestre, mais j'ai vu des artistes de pop, entre gros guillemets, faire des albums orchestraux avec des orchestrations beaucoup beaucoup plus originales que ça, ouais. Et où ils osent aller vraiment dans le cinématographique, au point de parfois même perdre le pop. Et c'est vrai que peut-être c'est ça, c'est là-dedans qu'elle devrait aller, parce que c'est déjà très cinématographique, très théâtral. On with the Show que t'as nommé tout à l'heure, qui est un morceau qui, enfin, c'est dans le titre, hein, mais voilà, il se veut très théâtral. Et c'est peut-être la direction dans laquelle elle devrait aller pour garder cette originalité, pour garder ce pour garder ce qu'on ce qui fait qu'on accroche quand même à ce qu'elle fait, en fait. C'est l'imperfection qui fait son charme. Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, pour moi, sa force à elle, c'est ses failles. C'est ses failles et c'est sa fragilité. Clairement. Et c'est pas sa puissance. Et si elle va vers la puissance, à mon avis, elle se perd. Enfin, en tout cas, elle me perd. Ça, c'est sûr. C'était Céleste. Je vous conseille quand même cet album, qui est un très très bel album, effectivement, si vous voulez. Très théâtral. Moi, je suis assez d'accord avec cinématographique vous. Cinématographique aussi. Si vous voulez marcher sous le crachin anglais, c'était Céleste donc, ce deuxième album. On va passer directement au choix d'Amos parce que je regarde le chrono et ça tourne. Amos, avant de lancer le morceau que tu as choisi ce soir, et j'ai cru comprendre que tu as hésité avec plein d'autres. Ah ouais, j'étais c'était en hésitation. Ah ouais, c'était compliqué. Un petit mot sur les Celtic Vagabonds. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là cette année, c'est un peu l'entre-deux. La floraison pour moi, parce que c'est il y a les Celtic, mais il y a deux autres projets qui se sont qui se sont concrétisés. Un projet que j'ai monté avec des amis de fac où on reprend des de la musique de film, justement. La musique de film et des musiques de jeux vidéo, séries télé, etc. Mais dans des styles un peu plus, un peu moins orchestraux, justement. Donc, rock, jazz, fusion, etc. C'est sous quel nom? Sous le nom Frame 7. Et sinon, j'ai rejoint un groupe, pareil, avec des amis à Tours, qui s'appelle Juicy. Qui est un groupe de rock psyché, assez, un peu prog même. En tant que avec les mêmes instruments que dans Celtic, donc clavier, whistle, et sinon Celtic ça continue tranquillement. Là en février on a des concerts en Grande-Bretagne, en mars on est de retour en France, on fait pas mal de concerts pour la Saint-Patrick, et ça avance. Il y a de l'actualité, on bosse un petit peu sur un quatrième album, même si pour l'instant là on est vraiment sur le live. Bon, tu t'ennuies pas, quoi? Non, clairement pas. En plus, à côté du master, ça me fait un emploi du temps assez chargé. Bon, n'hésite pas à envoyer que ce soit les nouveaux projets. Ah, carrément. Tu connais le chemin maintenant. Toi, tu as choisi un petit jeune qui démarre. Donc je te laisse l'annoncer. Prometteur. C'est Man Gave Names to the Animals de Bob Dylan. C'est un morceau de reggae de Bob Dylan. Voilà, donc. Surprenant. Tiré de son album chrétien, c'est ça? C'est ça cet album? Je crois que c'est ça, Ok. Rien de plus là-dessus? Je l'ai redécouvert récemment. Mes parents l'écoutaient beaucoup quand j'étais petit et je l'ai redécouvert très récemment. Et en fait, il tourne en boucle. Bon. Eh bien, faisons-le tourner ici même. Looked like there was nothing that he couldn't pull. beginning, long time ago. He's an animal, leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. C'était Robert Millésime 1979. Ouais, exact. Voilà, c'était un bon choix, hein, monsieur Amos. merci beaucoup. Vous êtes dans Quij, dans The Rock spécial Quij ce soir. On a déjà chroniqué avec François, Emma et Amos ici présents deux albums. Voici le troisième. C'est celui d'Elie Zoé. La dernière fois qu'on avait entendu parler beaucoup d'Elie Zoé dans The Rock, j'avais fait une interview. Elle, à l'époque, m'avait fait un morceau acoustique dans les escaliers de l'hôtel du Pont-Loup à Orléans. C'était un moment absolument délicieux. Très très belle interview que je vous conseille de retrouver sur ontherocks.net. Et bien depuis, s'est passé bien des choses pour Emily Zoé, qui est devenue Elie Zoé. Transition de genre donc. C'est son album qui vient de sortir, s'appelle Shifting Forms. Et c'est son album depuis cette transition de genre. Le précédent était un petit chef-d'œuvre qui s'appelait Hello Future Me. Il y a eu une annulation de la tournée suite à ce Hello Future Me, puisque la voix n'était plus du tout en adéquation avec les morceaux passés. Il a fallu reconstruire tout ça musicalement, vocalement. Et donc, elle a sorti cet album que j'ai déjà beaucoup diffusé dans The Rocks. Je vais pas rediffuser le morceau Change My Name, mais que j'ai déjà beaucoup diffusé. On va se passer le morceau The Wall of the Moon, donc Elie Zoé, ou peut-être autrefois Emily Zoé, mais en tout cas Elie Zoé maintenant. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous l'avez déjà écouté? Moi oui, grâce à toi. Donc, c'est ça, comme toi t'écoutes, forcément. Voilà. Ok. Amos? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Ouais. D'accord. Emma? Pareillement. Alors par curiosité, êtes-vous allé écouter les albums précédents à celui-là? Tout à fait. On en reparle juste après. Tu vois, maintenant je dis plus rien. C'est ni oui ni non, tu sais. Possiblement. Je vais vous passer The Wall of the Moon, qui est tiré de cet album d'Elie Zoé. On en parle juste derrière parce qu'on est pas mal. We're high, we reach the speed. C'était un extrait du dernier album d'Eli Zoé que nous devons chroniquer ce soir, enfin que vous devez chroniquer, car moi je vais vous regarder et vous écouter maintenant. Qu'en avez-vous pensé, messieurs, dames, de cet album d'Eli Zoé? Oui, je commence. Amos. Oui. Il a pas commencé. Amos. Alors, étant donné que c'est donc un invité d'avant sur On the Rocks, je vais calmer mon propos parce que j'ai vraiment pas trop. Tu peux y aller. J'ai pas trop accroché. moi, je suis assez sensible à la voix et à l'accent. Et ça m'a un peu perturbé parce que je trouve que parfois les prononciations de certaines paroles sont un peu maladroites. Ah, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Je t'en ai pas aperçu en fait. Et puis l'anglais c'est pas sa langue maternelle, j'imagine. Elle est suisse. Donc j'ai trouvé que les paroles étaient pas hyper, étaient un peu maladroites par moment. C'est un peu trop premier degré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche poétique au niveau des paroles. Et moi, ça m'a pas parlé parce que c'est un peu trop brut, un peu trop. Je dis les choses, mais de la manière la plus premier degré, ce qui me vient en tête en premier. Après, du coup, effectivement, si l'anglais c'est pas sa langue maternelle, c'est normal. Mais du coup, moi, j'ai pas trop accroché. Et puis. Au niveau des arrangements, c'est cool, mais sans plus. J'ai pas été frappé par une originalité énorme. Il y a un petit côté lo-fi sur certains morceaux qui est assez cool, ces mélodies sont vraiment cool, mais sur la globalité, ça m'a pas du tout marqué, quoi. J'ai pas accroché quasiment du tout. Eh bien, c'est ton droit. Ouais. Tu es là pour ça. Emma, je sens que tu trépignes. Ah, je trépigne. Laissez-moi parler. Écoute, l'ambiance globalement intimiste, naturelle, je trouve ça assez sympa. Moi, j'ai regardé un peu ce qu'il avait fait et je voyais qu'effectivement, au niveau de la voix, il y avait quand même quelque chose qui semblait être compliqué à un moment. Et je trouve qu'en fait, sa voix, elle est plutôt pas mal. Je me suis jamais dit, c'est pas très maîtrisé. Moi, je trouve que c'est vraiment assez bien maîtrisé. Et si je n'avais pas lu l'histoire, je me serais pas dit cette voix est transformée, changée. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé que il y avait une bonne transformation et que ça sonnait pas du tout étrange ou pas assez travaillé. Sur l'album, globalement. J'ai beaucoup aimé celle-ci, The Hole of the Moon. J'ai bien aimé aussi Contact Zone. Et puis, le plus, c'est Shifting Forms pour moi. Et le moins dans l'album, c'est Pale Eyes, que j'ai trouvé notamment... Alors ça, par contre, au niveau de la voix, j'ai trouvé que c'était moins maîtrisé, en tout cas. Ou alors peut-être que j'avais une attention particulière sur la voix puisque j'avais lu et donc j'ai entendu tout de suite quelque chose qui m'interpellait et donc voilà, mais voilà, je trouve que ça fait très, même s'il est suisse, je trouve que ça fait pas mal American Songwriter. Voilà. Ok, donc plutôt positif pour toi. Positif, voilà. Je crois que je sais pas pourquoi ça me fait penser à un peu à Sophie Hunger aussi dans. C'est le côté suisse. Parce que... C'est le côté suisse peut-être, mais voilà. Bon. Ça s'entend. Écoute François. François. Oui. Alors moi je suis vraiment très très embêté parce que ça fait un mois que tu m'as dit ça et moi je suis vraiment très embêté sur cet album parce que tu m'avais fait découvrir donc Emily Zoé et moi j'étais vraiment fan en tout cas de ce qu'elle faisait et justement je me suis posé la question alors après je remets pas du tout en cause les choix de personnel de chacun hein, mais je trouve que quand tu es chanteur ou chanteuse te dire je vais changer ma voix ou je vais faire quelque chose qui va changer ma voix, je trouve ça vraiment chaud parce que justement je trouvais qu'il y avait une espèce de magie dans sa voix à l'époque qui a complètement disparu quoi du coup pour le coup et du coup je suis vraiment très très embêté parce que moi je ouais, je trouvais que bah du coup ce qui faisait un peu l'espèce de magie, la fragilité qui faisait que, parce qu'après du coup on se rend compte que les arrangements ils sont pas ultra originaux quoi, les, mais en fait je trouvais qu'avant ça passait à l'énergie, ça passait à l'émotion, et du coup bah je retrouve plus du tout ça quoi. Après c'est pareil quoi, c'est je trouve que bah ce que disait Amos, enfin ce qui est important, enfin quand on écoute un chanteur ou une chanteuse, c'est la voix en premier quoi. Et du coup, on a parlé sur Céleste, dire bah qu'est-ce qui te frappe, c'est, tu t'entends pas les arrangements ni la musique, tu entends la voix et tu te dis ça t'accroche pas. Et là, du fait que la voix a vraiment changé, enfin bah du coup, il y a plus, c'est pour moi, c'est plus vraiment le même artiste. En tout cas, enfin c'est, j'accroche plus de la même manière quoi. Donc c'est vrai que je, voilà, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit ouais, c'est quand même, enfin j'étais vraiment embêté par rapport à ça quoi. Alors je crois que justement la transition n'est pas un choix, c'est-à-dire que je pense que ça passe avant la musique. Mais moi je serais assez curieux justement de quelqu'un qui découvre Élise Howe avec cet album. Bah c'est mon cas. Et voilà. Ouais. Et est-ce qu'il aurait, parce que le choc que tu as eu, moi je l'ai eu. J'étais vraiment les albums précédents. Je trouve ça magnifique, mais totalement magnifique. Et là quand j'ai réécouté cet album, il a fallu que je me fasse un effort en me disant allez, on va se dire que c'est pas le même artiste. Oui. Et la première écoute m'a déstabilisé, et en fait c'est un album que j'adore maintenant, c'est un album que je trouve vraiment très puissant. Le morceau Change My Name, où il met dedans tout justement ça, tout ce bouleversement intime, etc. Le morceau Change My Name, pour moi c'est un chef-d'œuvre de l'année dernière qui me bouleverse totalement avec cette montée, etc. Mais effectivement, l'autre jour j'ai fait l'essai, j'ai réécouté tous ses albums dans l'ordre. Il faut oublier. En finissant par celui-là, et je me suis dit, mais dans l'histoire de la musique, est-ce que c'est déjà arrivé ça ? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'en 3 ans, alors Tom Waits, il a fallu quelques hectolitres de whisky, ouais, et quelques années, en 3 ans, qu'une voix change du tout au tout comme ça d'un artiste, et qu'il arrive quand même à se tenir debout avec ce changement. Je pense que ce n'est jamais arrivé. Anony a gardé plus ou moins sa voix. Le chanteur de Kate Choice, Sam Bettens, a gardé plus ou moins sa voix. Ça a descendu un peu, mais on retrouve là, ça n'a effectivement mais plus rien à voir au niveau de la voix. Et je trouve que c'est vertigineux en fait d'écouter cet album en sachant ça. Moi j'ai hâte de le voir sur scène, puisque là il va revenir, il y aura une interview d'ailleurs dans The Rocks, il va revenir à l'Astrolabe, il va jouer dans le club, et sur scène ça a l'air toujours en duo, ça a l'air d'envoyer, et je suis assez curieux de voir ça. Alors on sent qu'effectivement cette voix qui sur les albums précédents était d'une maîtrise, enfin pas d'une maîtrise mais d'une beauté totalement, avec des fragilités un peu comme Céleste, là du coup ça n'a effectivement plus rien à voir. Oui, mais la question, enfin moi tu vois je me disais, est-ce que, parce que comme ça en parle beaucoup dans le descriptif Wikipédia, tu te dis est-ce que ça va être vraiment pas maîtrisé, t'as l'impression qu'il y avait vraiment un sujet, et moi je trouve pas du tout que ça soit pas, enfin moi qui n'ai pas écouté 40 000 albums avant, c'est ça le truc, c'est que je trouve que la voix est super. C'est pas une question de maîtriser, enfin personne n'écoute un chanteur parce qu'il maîtrise sa voix. Non, mais comme c'était, si tu veux, comme c'était un sujet, tu te dis mais qu'est-ce que ça va être la voix ? Est-ce que ça va être vraiment quelque chose de vraiment problématique ? Et moi qui ne connaissais pas Émilie Zoé, j'ai pas, si tu veux, je découvre deux artistes différents. Dans le même artiste, quoi. Une des continuités, en tout cas, c'est sa totale sincérité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est absolument sincère, clairement, qui calcule pas du tout. C'est un personnage extrêmement intéressant. Mais ça se ressent, et c'est, à mon sens, la grande qualité de l'album. C'est que par contre, j'ai beau pas accrocher en termes de musique, mais je salue la sincérité du projet, et même effectivement la façon dont c'est écrit. J'ai pas trouvé ça très intéressant, mais les sujets qui sont traités sont d'une beauté et d'une puissance. Là, je suis entièrement d'accord. Donc moi, j'attends la suite avec impatience, parce que voir ce que ça va donner, tout ça. Élise Howe, on accélère un petit peu, 20h14, là, on est un petit peu à la bourre. Élise Howe, donc, je vous conseille quand même cet album et écoutez l'interview qu'il m'avait accordée. Lévi de François, c'est maintenant. Oui. François, c'est ton choix. Alors, il faut dire que François m'envoie de temps en temps des petits messages, et j'adore ça, en me disant, écoute ça, mon gars. Ça devrait te plaire. Et 9 fois sur 10, il a tout à fait raison. Donc j'ai déjà diffusé cet artiste dans The Rocks, mais parce que tu me l'avais conseillé, je ne connaissais pas. Je dis, ah bon, tu l'as déjà eu, d'accord. J'ai une diffusion. Ouais. Hein. Oui, oui. Attends, toi, t'en as loupé une. Ouais, et donc, alors avant de passer à cet artiste, rapidement, musicalement, que se passe-t-il en ce moment pour toi, mon cher François? Bah, musicalement, effectivement, Lévi de François. Donc là, je suis sur un... Ça fait depuis quelques années que voilà, je suis en solo, on va dire. Après la pause de Sixteen Pack, donc là je suis en train de préparer un album, donc l'album est quasiment terminé, mais bon, ça, si tout se passe bien, ça devrait sortir cette année, mais voilà, un premier album après quelques EP. Donc voilà, c'est la suite de mes aventures en solo où moi aussi j'essaie de trouver ma voix. Vu que j'ai perdu la mienne aussi. Bon, bah tu nous donneras des nouvelles. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir? Alors là, c'est Jacob Alon. D'accord. Alors lui, j'ai envie de dire, c'est le Jeff Buckley queer, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment un personnage. Mais c'est pareil. Là, je suis tombé sur cette chanson. Là, c'est les playlists algorithmiques qui me connaissent bien, et donc je suis tombé là-dessus. Et je suis tout de suite resté scotché sur cette chanson-là et sur la voix, sur la maîtrise de composition aussi, parce que c'est quand même un sacré niveau. Et derrière, je suis allé voir l'album, et l'album est vraiment. C'est un des deux albums de l'année 2025. Quoi. Bon, alors on envoie tout de suite le morceau et ensuite on chroniquera à vitesse grand V le dernier album de ce soir dans Quij. But now I can decide, and the memories tell me lies. When he raises his fist, it's only in delight. Scorch the earth with the truth. Merci vraiment pour ça, François, parce que quel morceau, quand même, celui-là. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que quand t'écoutes les paroles, en fait, c'est juste horrible, en fait, les paroles. Ah oui. En fait, Elijah, c'était un ado qui devait le, qui le torturait quand il était jeune. D'accord. Et le mec, il arrive à sortir une chanson comme ça sur son bureau. Ouais. Tu te dis, waouh. Oui, respect. Il reste un album à chroniquer. Messieurs, dames, c'est celui de Dove Ellis. L'album s'appelle Blizzard. Je vais essayer d'aller très très vite pour présenter. Irlandais, qui vit à Manchester maintenant, 22 ans. Ça devrait pas être autorisé. Et deux ans de moins que moi, c'est fou. C'est dingue. Et une hype comme il en est parfois en Angleterre, c'est-à-dire, enfin au Royaume-Uni, c'est-à-dire bataille de label pour le signer, pas d'interview, hop, j'annonce un concert complet en une heure à Londres, voilà. Une voix qui est également souvent comparée à celle de Jeff Buckley. Oui, alors moi, je trouve pas trop. Ah, si, moi, j'entends plus Rufus Wainwright que Jeff Buckley, justement. Il y a un peu de Celtic, oui, un peu de Celtic. Puisqu'il y a un petit morceau du Celtic. En français on dit Celtic, bah oui, c'est ça. C'est normal, mais nous c'est un alors on va se passer le morceau To The Sandals. Est-ce que vous connaissiez ce jeune homme? Alors en même temps, lui il démarre, hein. En fait, moi, c'est encore les playlists algorithmiques qui me l'avaient déjà proposé il y a quelques mois, et donc du coup j'avais effectivement percuté sur la première chanson, mais j'étais pas allé plus loin à l'époque. Aucune playlist algorithmique de mon côté, donc je ne le connaissais pas. Moi, je connaissais de nom, j'ai des amis qui écoutaient, donc ouais. D'accord. Eh ben, c'est parti, un petit morceau que je vais peut-être charter un peu, pour qu'on puisse le chroniquer, mais vous allez quand même vous faire une idée. Faire ce que je suis en train de faire, mais il est 20h24, 25 même, si on veut parler de cet album de Dove Ellis. Je dois lui couper un peu la chic, mais nous le rediffuserons dans The Rocks. Qui démarre? Ouais, je vais démarrer. Allez, François. Bon, alors là, on a parlé du Jeff Buckley cuir. Là, c'est le Jeff Buckley Celtic, alors. Oui. Oui, bah, Celtic, pardon. Donc, effectivement, moi, c'est pareil que pour Céleste, quoi. D'un coup, il y a une voix qui rentre où on se dit, ah, bah oui, là, on n'est plus du tout dans la même catégorie. Enfin, on est vers quelqu'un qui est un vrai chanteur, qui a une voix, qui est au-delà de ce qu'on peut apprendre et qui a une maîtrise. En tout cas, qui a une sensibilité, peut-être, qui a une liberté, en tout cas une liberté de chant. Alors après, on va y revenir peut-être un peu trop sur cet album, mais effectivement, moi je trouve que ça faisait partie de mes albums de l'année à l'arrivée, mais parce que effectivement, bon, des artistes comme ça, quand ça arrive, ça se voit et ça, on a du mal à passer à côté. Après, c'est vrai que sur la longueur de l'album, j'ai ressenti une certaine fatigue à un moment parce que justement je trouve que dans la voix il y en a un peu trop, il peut tellement tout faire avec sa voix que à un moment je me disais il n'y a pas un producteur qui va lui dire bon écoute Dove ça va bien là, tu vas faire la chanson. Donc c'était juste la remarque, certains trucs, à un moment il y a une chanson arrangement irlandais, je me suis demandé ce qu'elle faisait là, enfin en tout cas bon, donc, mais globalement j'ai beaucoup aimé. Et effectivement, c'est une voix vraiment incroyable. Après, peut-être à maîtriser un peu plus, ou en tout cas à domestiquer, si ça doit l'être. Bon, moi j'enchaîne. Ouais. Alors, c'est la voix qui me plaît direct. Hein. Ces voix d'hommes très très claires, cristallines, hyper lumineuses. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Pale Song. C'est le tube qui est ma chanson préférée de l'album. Alors moi, effectivement, je trouve que c'est plus Jeff Buckley que Barry White, comme tu me le disais tout à l'heure. Mais je trouve qu'il y a un petit truc, on en parlait avec Amos, peut-être un petit truc de Tom York aussi, un peu moins nasillard. Bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette voix, une voix qui reste dans la tête. Amos. Moi j'ai bien aimé. Déjà, album très cool. La voix, je pense que mes acolytes se sont déjà assez penchés sur la voix, donc j'en dirai pas plus. Je trouvais que juste la comparaison, moi je trouve que ça ressemble un petit peu à ce que fait le chanteur de Alt-J, qui est un groupe que j'adore. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé pour le coup, c'est l'instrumentation, l'arrangement. Il y a une ambiance qui est créée, qui est à la fois folk, très lo-fi aussi, avec là au début de ce morceau-là, avec des synthés un peu étranges. On sent des synthés presque cheap aussi un petit peu. Donc moi j'ai vraiment aimé le travail instrumental. Le saxophone soprano, moi c'est un instrument que j'aime beaucoup en plus, donc moi ça m'a tout de suite eu. C'est vrai que le morceau irlandais, je l'avais même pas entendu comme irlandais en fait, parce qu'il y a du saxophone soprano et j'étais dans un autre univers, mais c'est voilà, si, si, c'est, je te confirme. C'est mais pour le coup très irlandais oui. En fait. Oui, maintenant que je l'ai de nouveau en tête là. Et moi j'ai beaucoup aimé, mais surtout pour l'instrumentation perso. Moi ça a été vraiment ma grande qualité de l'album. Et ben moi ce morceau irlandais, je trouve qu'il arrive à point nommé, c'est-à-dire que c'est un album que j'adore, je trouve très très beau, mais ça pourrait être ce genre d'album où l'ennui peut poindre à certains moments, et je trouve qu'il trouve toujours, au moment où on flanche un peu, hop, il relance par un truc avec des cassures, avec des morceaux où il y a des sortes de breaks dedans, on s'y attend pas. Et ce morceau-là, justement, je trouve qu'il arrive vraiment pile poil au bon moment, au bon endroit. Je trouve que c'est vraiment un très très bel album. Alors, je serais assez curieux de voir ça sur scène aussi. Qu'est-ce que ça peut donner ça? Je pense que ça peut être très très très très beau. Je suis pas très inquiet. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Pareil. Et je trouve qu'il irait, il pourrait aller vers des aventures sonores encore un peu plus délurées. Il pourrait aller vers du Astral Weeks et je pense que ça lui irait. Je pense qu'il est capable d'aller vers ça. C'est pour le père, c'est ça. Buckley le père. Ouais. Donc voilà. Donc je trouve que c'est vraiment voilà. Alors à dire qu'il a pas la voix de Van Morrison, hein, mais il a une très très belle voix effectivement. Et moi c'est un album qui m'accompagne. C'est mon album automnal, moi. Enfin hivernal, pardon. En ce moment. Voilà. Bon alors plutôt bien cet album là. Hein. Il s'en sort vivant. Ah oui. Il s'en sort vivant. 20h29. Ouf. On a accéléré sur la fin. Waouh. Merci beaucoup d'être venus tous les trois. En plus vous êtes venus de loin. Mais voilà, de c'est Paris. C'est une émission internationale. En fait. Exactement, exactement. Donc merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous quand vous voulez. Si vous voulez revenir à un de ces quatre pour refaire un petit peu ce genre de choses, je crois qu'Amos, tu en es un friand. Ah bah moi, avec grand plaisir. Voilà. Quand tu veux. Alors la prochaine de Quiz, j'ai déjà complète, c'est au mois de mars. Voilà. Et puis la semaine prochaine, il y aura Mathieu Dufault de l'Astrolab qui viendra présenter la programmation. Des interviews qui se profilent, donc celle d'Elizoé dans The Rocks. Peut-être, là, je regardais mon téléphone, peut-être Balaké Sissoko, Pierce Faccini, c'est dans les tuyaux. Wow. Okay. Donc voilà, Pierce Faccini, ce sera la troisième fois, mais ensemble, ça, jamais. Bah ouais. Voilà, donc ça va être un bon moment. Et puis, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine dans The Rocks. Et puis, on va terminer l'émission avec justement un morceau d'Elizoé, mais première formule. Et voilà, si vous ne connaissez pas, vous allez voir le gap qu'il y a entre les deux voix et l'évolution. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'était très très chouette et à très bientôt quand vous voulez pour des nouvelles musicales ou des chroniques assassines ou angéliques. Ciao, à bientôt. Ciao. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver. Il est 20h38. On est en direct sur Radio Arc-en-Ciel pour la rédac du sport. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le lundi 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon lundi. Et puis on va passer 2 heures ensemble avec Hugo qui va nous retrouver à 21h pour la rubrique foot. Avant cela, notre débrief multisport comme d'habitude avec tout ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité sportive tout au long du week-end et de la semaine passée. Pas mal de choses ce soir encore. Le programme tout de suite, on va avoir du biathlon avec une belle étape française, enfin une belle étape pour les Français dans l'étape qui s'est déroulée en Allemagne. On va y revenir dans un instant. Du basket avec l'OLB qui sombre un peu plus, une nouvelle défaite. On va en parler dans quelques minutes. Qui n'est plus leader. Mais voilà, c'est un peu une période compliquée pour l'OLB. On va en parler dans un instant. Un mot aussi de NBA pour parler de Victor Wembanyama qui a été aujourd'hui choisi pour être titulaire au sein du All-Star Game. On va en parler dans quelques secondes également. C'est la bonne nouvelle. On aura aussi du handball puisque c'est en ce moment même l'Euro de handball masculin où les Français sont qualifiés donc pour la suite du tournoi avec un dernier match de phase de poule qui aura lieu. Qui a lieu d'ailleurs ce soir, qui va pas tarder à démarrer, donc on va le suivre cette rencontre pour la première place du groupe. Voilà, on verra pourquoi c'est important de gagner ce soir aussi pour la suite de la compétition. Donc ce sera face à la Norvège cette rencontre, donc ça a démarré il y a quelques minutes. 4-2 pour l'instant, c'est le score en faveur donc de la France. Donc on va suivre évidemment cette rencontre en fil rouge ainsi que d'autres que je vais vous donner dans un instant de football. On aura donc aussi du tennis, l'Open d'Australie, c'est parti, avec des Français déjà qui se sont qualifiés, des exploits, on va y revenir. Et la qualification de Stan Wawrinka aussi pour sa dernière saison et son dernier tournoi donc en Australie. Et bien sûr d'autres joueurs qui se sont qualifiés comme Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, on va en reparler aussi. Du rugby aussi avec la fin de la phase de poule des Coupes d'Europe, les clubs français qualifiés pour la suite, on va en parler. Et puis bien sûr notre page football avec Hugo à 21h, plein de choses, la finale de la CAN hier, il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr notre débrief championnat avec tout ce qui s'est passé dans l'Europe, avec bien sûr les 5 grands championnats, en finissant avec la France et bien sûr la Ligue 1, et bien entendu les pronostics pour finir en fin d'émission avec l'autofoot et la Ligue des Champions. Ça redémarre cette semaine avec les 7e journées de notre Coupe d'Europe, donc on va en parler aussi. Donc vous l'avez compris, un gros programme et des directs. Je vous en ai parlé, donc France-Norvège pour le hand, et puis en football, 4 rencontres ce soir, 20h45, donc dans moins de 5 minutes maintenant. La Ligue 2, c'est Nancy-Guingamp. Ce sera donc à suivre dans quelques minutes. Entre donc Nancy, pour le moment 14e, qui reçoit Guingamp, 8e. On aura 20h45 également de l'Italie. La Lazio de Rome qui reçoit Côme, le 9e contre le 6e. Puis à 21h, deux autres rencontres. D'abord en Angleterre, entre Brighton 12e et Bournemouth 15e. C'est à partir de 21h donc. Et puis en Espagne, Elche face à Séville. Ce sera donc le 11e face au 16e du championnat de Liga. Et puis un match tout à l'heure, un résultat nul et vierge entre Cremonese et Hellas Vérone en Italie. On va en reparler tout à l'heure avec les résultats de cette journée de Serie A qui était la 21e journée. Et puis donc on en parlera tout à l'heure du tennis, pas mal de matchs ce soir, cette nuit qui vont démarrer en tout début de nuit. Puis on vous fera un petit point sur ce qui s'est passé tout au long de cette nuit, de cette matinée de tennis. Voilà ce qui vous attend ce soir, beaucoup de choses, des sons aussi. N'hésitez pas à donner vos envies aussi de sujets. Si vous voulez intervenir, ça se passe sur le Facebook, la Rédaction du Sport, ou bien sûr au standard 0238 434 800 pour réagir en direct sur tout ce que va donner ce soir comme info avec Hugo, donc, qui nous rejoindra dans un peu plus de 20 minutes. Voilà pour le programme, je vous le disais, beaucoup de choses encore. Ça démarre tout de suite l'émission. La Rédaction du Sport, c'est maintenant. 96.2 La FM en couleur. C'est parti donc avec notre premier sujet, c'est le biathlon avec, je vous le disais, de beaux résultat au niveau voilà, français, hein, que ce soit les hommes ou les filles qui se sont bien comportés tout au long de ce week-end de biathlon. C'était une étape qui se déroulait en Allemagne à nouveau, c'était cette fois-ci à Ruppolding, avec des relais qui étaient au programme en début de, enfin au milieu de semaine, en début de week-end, avec les garçons vainqueurs, ça y est, enfin, de ce relais masculin devant la Norvège et l'Allemagne. Cette fois-ci, c'est la France qui domine, alors que les Allemands avaient remporté, les Norvégiens avaient remporté les quatre premiers relais. Cette fois-ci, c'est les Français, malgré un début de relais très compliqué, hein, pour Fabien Claude, qui était tourné une fois sur une pénalité, puis finalement c'est bien revenu avec un final d'Éric Perrault qui était incroyable, et pour s'adjuger la victoire devant donc la Norvège et l'Allemagne. Donc les Français prêts bien sûr avant le grand rendez-vous des Jeux Olympiques que l'on évoquera juste après. Pour les femmes, c'est la Norvège qui a remporté ce relais devant l'Italie au sprint et la Suède qui termine troisième, la France au pied du podium, quatrième donc de ce relais, malgré une course plutôt d'ensemble assez correcte. Au niveau des tirs, ça a été un petit peu plus compliqué sur les skis, mais une quatrième place encourageante après des relais vainqueurs sur les derniers relais. Donc pas d'inquiétude, les Françaises sont quand même au rendez-vous. Les sprints, d'abord c'est la Suédoise Anna Öberg qui s'est imposée lors du sprint devant Lou Jean Monod pour 7 secondes, et puis David Todi, l'Italienne, a terminé le troisième. Chez les garçons, c'est donc Sébastien Samuelsson, là aussi le Suédois, qui s'est imposé devant Tomáš Jakomel, et puis le Norvégien Isaac Fret prend la troisième place de ce sprint. Les Français au pied du podium, hein, Quentin Fillon-Maillet quatrième, Éric Perrault cinquième, Jacqueline septième. Voilà un beau tir groupé des Français. Ça s'est confirmé ensuite sur la poursuite d'hier. Malheureusement, le Français Éric Perrault, auteur d'une belle remontée, malgré trois pénalités, prend la deuxième place. Il doit s'incliner devant Jonas Dahlé, le Norvégien, au sprint. Pansu Lumal, le Suédois, prend une troisième. Et puis une très belle remontée de Fabien Claude, parti 35e et une quatrième au final. Il a aussi, là aussi, perdu le podium au sprint face au Suédois, mais une très très belle remontée. Encore une fois, chez les femmes, eh bien, la belle victoire de Lou Jean Monod, auteur d'un 19 sur 20, course pleine encore pour la Française qui marque de gros points. Pour le général, Anna Öberg deuxième et Camille Benet, la Française, auteur d'un 20 sur 20, l'une des seules d'ailleurs, qui prend la troisième place là aussi, elle qui a réalisé une très belle remontée sur cette poursuite. Le classement, chez les hommes, c'est Tommaso Giacomelli, l'Italien, qui est toujours leader, avec Éric Perrault deuxième, qui a une à peu près 80 points de retard sur l'Italien, rien de rédhibitoire. Sébastien Samuelsson est troisième chez les femmes. En revanche, Lou Jean Monod, belle avance sur la Finlandaise Minkinen et puis sur la Norvégienne Kirkade. Donc la Française, en tout cas, qui fait encore une très très belle opération comptable sur cette étape. Nove Miesto, c'est la prochaine étape qui nous attend avant, bien sûr, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, je vous rappelle, du 6 au 22 février à Milan. En Italie bien sûr, et avant ça donc l'étape de Nove Miesto qui va être au rendez-vous. Donc je vous propose le programme. Ce sera donc un individuel pardon, et puis les premières mass start enfin que va découvrir, donc individuel, mass start et relais mixte. Voilà la dernière répétition. Voilà la dernière répétition avant les Jeux Olympiques, donc ce relais mix qui aura lieu, ce sera samedi les relais, et puis les individuels qui auront lieu en milieu de semaine, et bien sûr les mass start que l'on retrouvera avec grand plaisir pour clôturer ce week-end, donc dimanche. Voilà les premières mass start, les mass start donc de cette étape tchèque. Voilà pour ce qui nous attend au niveau de cette semaine de biathlon. La dernière répétition donc avant les Jeux Olympiques de Milan. Voilà pour le handball. Les directs, un petit point sur ce que l'on va suivre donc ce soir. Je vous le disais, on aura donc c'est parti hein, pour l'Adio comme en Italie. En Ligue 2, c'est parti aussi entre Nancy et Guingamp. Et puis donc dans 21h, on aura deux autres rencontres qui vont se lancer en Angleterre et en Espagne. Et puis on a aussi bien sûr le handball France-Norvège. C'est le dernier match de donc de poule pour cet Euro masculin où les Français vont jouer la première place face à Norvège, encore un duel France-Norvège. Cette fois-ci, c'est en hand, c'est pour l'instant la France qui mène 8 à 7 dans cette première mi-temps. Voilà, l'enjeu, c'est de finir premier et d'aller chercher le maximum de points pour aller au tour principal. On va en parler dans un instant, on va même en parler tout de suite de cet Euro masculin qui se déroule en ce moment. Les Français ont remporté leurs deux premiers matchs assez facilement face à des adversaires plus faibles. La République tchèque, victoire 42 à 28. Et puis une nouvelle victoire face à l'Ukraine, 46 à 26. Voilà, ils ont pris leur marque, les Français, avec deux succès bonifiés. Et puis, ce soir, cette rencontre pour la première place. Pourquoi elle est importante? Puisque et la France et la Norvège vont se qualifier. Et on va conserver les points remportés face aux adversaires qui vont se qualifier également. Donc on rappelle, les trois premiers se qualifient pour la suite. Et voilà, donc il est important de gagner ce soir puisque la Norvège va se qualifier pour emmener donc deux points supplémentaires au tour principal. Ce serait l'idéal. Donc il faudra gagner ce soir pour aller chercher donc deux points de plus que l'on emmènera au tour principal, où là on va retrouver six équipes, donc deux groupes de six, et les deux premiers se qualifient pour les demi-finales. Voilà un peu le format de cet Euro donc que l'on suit donc à nouveau. Donc ce soir une rencontre, et puis il y aura forcément au moins deux autres rencontres cette semaine. On n'a pas encore bien sûr les affiches, mais au moins deux voire même trois rencontres d'ici la fin de semaine dans le tour principal. Voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus. Donc 18 pour l'instant pour la France dans cette rencontre. Voilà pour donc le hand et cet Euro en cours. Et puis chez les femmes, bien sûr, la compétition continue avec là aussi toujours la même chose, hein, le Metz qui est toujours les Messines toujours en tête, bien entendu, dans ce championnat de handball féminin. Et puis en Ligue des Champions aussi, ça se passe très très bien pour nos deux clubs français, à savoir Metz et Brest, qui vont se qualifier normalement sans trop de problèmes pour la suite de cette Ligue des Champions. Voilà pour le hand. Du basket, je vous le disais tout à l'heure, ça se passe pas bien en ce moment pour l'OLB en Elite 2. De nouveau battu après la claque reçue face à Blois dans le derby, c'était la semaine passée. Une nouvelle claque reçue cette fois-ci par Saint-Chamond. Défaite, donc c'était vendredi, 79 à 67. En plus, un score assez large. Donc c'est une période un peu compliquée pour Orléans qui enchaîne donc deux défaites consécutives. Blois de son côté a aussi perdu. Dans le malheur d'Orléans, c'est que Blois a aussi perdu, mais c'est Rouen du coup qui fait la bonne affaire avec sa victoire à l'extérieur, qui en profite pour rejoindre donc Blois en tête. Orléans donc est juste derrière, troisième pour l'instant, donc il va falloir se relever très vite pour Orléans. Et là, ce sera peut-être à l'occasion de cette 20e journée où Orléans va recevoir donc Quimper. Ce sera samedi, notez bien, c'est pas vendredi, ce sera samedi cette fois, samedi à 20h, Orléans Quimper face au 19e de avant-dernier. Donc il faut vraiment prendre ce match avec sérieux et s'imposer et ne pas perdre des points à nouveau sur cette affiche. Donc ce sera Orléans Quimper. Et puis à noter que à l'occasion de la Leaders Cup donc 2026, Orléans va recevoir à nouveau Blois à la Comet Arena pour la suite de cette compétition. Donc ce sera à l'Arena Futuroscope de Poitiers, hein, cette rencontre qui aura lieu fin février, la Leaders Cup, dans ce qui concerne la Leaders Cup Pro A, et puis pour la Leaders Cup Pro B, je vous le disais, Orléans Blois, ce sera, on l'espère, Orléans qui est tenant du titre d'ailleurs, hein, on le rappelle, de cette compétition. Et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Orléans va prendre sa revanche? On l'espère en tout cas. Donc pour cette affiche de Leaders Cup, donc Pro B. Voilà pour Orléans. Ce sera donc la semaine prochaine. Ce sera le 27. Ce sera mardi 27, c'est-à-dire donc mardi prochain. Cette affiche donc de Orléans Blois, donc pour la Leaders Cup de l'édition Pro B. Voilà pour le basket en Elite 2. En Betclic Elite puisque là aussi ça se poursuit hein, cette compétition avec pour le moment toujours Monaco en tête hein, qui fait une saison incroyable de côté de l'Eurosie également. Nanterre suit derrière le pas, Paris suit également, et puis donc je vous le disais en Euroleague, Monaco très bien classé, toujours deuxième, ça une saison incroyable aussi côté européen. Et c'est, il faut continuer, on est à la 23e journée. On rappelle qu'on va jusqu'à 34 journées, donc encore du chemin à faire. 38 pardon même, donc il reste beaucoup de chemin. Pour l'instant, ça se passe bien, beaucoup moins pour Paris 17e et pour l'Asvel 18e qui vont avoir évidemment trop de difficultés pour se qualifier pour la suite. Et puis je vous le disais en ouverture tout à l'heure, Wembanyama, c'est une première historique pour un Français qui va être parmi les titulaires pour le All-Star Game NBA. C'est la première fois donc de sa carrière, il va être titulaire, il a déjà fait partie des remplaçants, mais là il sera titulaire, l'intérieur des Spurs. Donc c'est le premier Français à avoir cet honneur dans l'histoire de la Ligue. Donc voilà, pour sa troisième saison seulement, eh bien il va avoir cet honneur-là. Donc on rappelle que beaucoup de Français évidemment ont participé au All-Star Game, pas en tant que titulaire, hein, Rudy Gobert, Joaquin Noah plusieurs reprises, Tony Parker 6 fois, mais pas titulaire. Voilà, donc il a été remplaçant, Wembanyama l'an passé, mais donc là il sera bien titulaire. Donc très belle nouvelle. Et il y aura Luka Doncic également, Nikola Jokic, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander également pour ce 5 de départ. Et puis et donc à l'est, donc de l'autre côté, Antetokounmpo qui va être notamment aligné sur ce 5 majeur. Donc très très belle nouvelle pour le Français. Donc pour ce All-Star Game qui arrivera le 15 février, hein, cet événement. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Voilà pour le basket. On enchaîne rapidement, 20h55. Bien, si vous nous rejoignez, c'est la radar du sport sur Radio Arc-en-Ciel. Après le basket, du rugby. Fin de la phase de poule des Coupes d'Europe. Donc, ça y est, on connaît les qualifiés pour les huitièmes de finale. Bordeaux, donc, s'est qualifié pour la suite. Alors, sans problème, puisqu'il y a eu un sans faute, un grand chelem. Bordeaux s'est qualifié, il affrontera Leicester en huitième de finale. Ce sera le week-end du 4 et 5 avril. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les affiches, en tout cas les calendriers précis, mais ce sera le week-end du 4 et 5 avril, donc face à Leicester. Belle affiche, hein, belle affiche pour cette équipe de Bordeaux, mais qui normalement est au-dessus, mais il faudra gagner ce match. Ce sera à domicile. En plus, Toulon s'est qualifié et affrontera donc l'équipe de Stormers, l'équipe sud-africaine. Donc là, ce sera également à domicile. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Toulouse s'est qualifié sans problème, mais affrontera Bristol également à domicile. Castres enfin s'est qualifié, mais se déplacera à Northampton pour le compte de ses huitièmes de finale. Donc quatre clubs français qui se qualifient. Voilà, il y a eu de la casse malheureusement. C'est un peu plus compliqué cette saison. Et puis dans l'autre compétition, la Challenge Cup, là aussi huitième de finale, avec Montpellier qui affrontera Perpignan dans un duel 100% français pour ses huitièmes de finale. On aura le Stade français qui va affronter les Gallois de Newport donc pour ses huitièmes de finale. Et puis on aura La Rochelle enfin qui sera en déplacement à Newcastle, périlleux de déplacement à Newcastle, pour tenter de aller en quart. Et puis Pau, pardon, aussi, qui ira du côté de Parme, voilà, pour essayer de se qualifier. Donc deux déplacements et deux réceptions pour nos clubs français dans cette compétition. 4 et 4, donc 8 Français qui se sont qualifiés. Donc il y en a eu 8, le calcul est fait. Et il y en a eu 6 qui se sont pas qualifiés, malheureusement, puisque vous le savez, tous les clubs français se sont engagés dans ces Coupes d'Europe. Voilà. Donc pour nos coupes d'Europe et nos Français, donc dans ces compétitions. Et puis en top 14, c'est la reprise donc du championnat ce week-end à l'occasion de la 15e journée. Vous pourrez suivre notamment le leader Toulouse qui recevra Pau dans le duel des deux premiers. Voilà, ça va être une belle affiche. Et puis dimanche, Clermont recevra La Rochelle. Voilà, pour des équipes potentielles. Qui vont peut-être se qualifier pour les playoffs. En tout cas, ce sont deux adversaires directs pour les playoffs. Et puis on termine avec l'Open d'Australie du tennis. Ça y est, c'est parti pour cette première levée de la saison de Grand Chelem. Avec des Français, je vous le disais, qui sont qualifiés. Notamment, c'est le cas de Corentin Moutet, qui s'est qualifié en 3 manches sans problème. Donc c'était cette nuit. Il va continuer l'aventure face à un Américain, Zheng, au prochain tour. Côté Français, encore Alexandre Muller s'est qualifié en 5 manches, lui, face à Popirine. Le local, ça a été un match accroché, hein, 2-6, 6-3. 2-6, 6-3. 3-6, 7-6, 7-6. Voilà, pardon. 2 tie-break pour finir. Et il affrontera Alexander Zverev au prochain tour, le numéro 3 mondial. Gros défi pour lui face au numéro 3 mondial, donc l'Allemand. On s'est passé pour Benjamin Bonzi aussi en 5 manches très serrées face à Cameron Norrie. Ça, c'est un vrai exploit face à la tête de série 26 du tournoi britannique. Donc on aura aussi qualifié pour la suite Quentin Alice, puis 3 manches faciles. Il affrontera Medvedev au prochain tour. Ça va être également très compliqué de jouer le russe. Arthur Hindernach, normalement, c'est terminé. On aura la présence d'un Français passé par les qualifications qui s'appelle Arthur Géa. Retenez bien son nom. Il est au-delà de la pratiquement 200e place. Il est passé par les qualifications, mais il s'est qualifié. Il affrontera Stan Wawrinka au prochain tour. Stan Wawrinka, lui, qui est passé hein, là aussi pour sa dernière saison. Il avait été invité par le tournoi et il s'est qualifié face à Latsu Djiré en 4 manches. Et puis donc voilà pour le Français, Arthur Géa, il a battu les écarts, hein, le Tchèque en 3 manches, 7-5, 7-6, 7-5, c'est un vrai exploit, la tête de tirer 17 du tournoi. Voilà, vraiment un vrai exploit. Puis Wawrinka, ça va être une belle affiche pour son dernier tournoi, San Wawrinka, en tout cas en Australie, il aura affaire aux Français. Valentin Royer jouera demain, le Français. On aura aussi la présence pour la suite de... on n'aura pas la présence d'Atman, battu d'entrée malheureusement le Français. Donc dans ce tournoi, Hugo Humbert jouera cette nuit face à Ben Shelton, gros défi. Gaël Monfils aussi jouera cette nuit. Manarino s'est terminé, battu en 3 manches malheureusement. Petit Perricard jouera également cette nuit. Hugo Gaston aussi face à Yannick Sinner, là, gros tirage pour lui malheureusement. Ce sera demain matin à partir de 9h si vous voulez suivre cette rencontre entre le Français et le numéro 2 mondial. Carlos Alcaraz lui est passé en 3 manches faciles, voilà le Français, l'Espagnol pardon, qui s'est qualifié assez facilement pour la suite de la compétition. Et puis voilà, d'autres surprises. Félix Auger-Aliassime battu d'entrée, Tsitsipas jouera cette nuit notamment. Voilà pour les quelques rencontres que on peut vous donner. Novak Djokovic, lui est passé aussi en 3 manches, 6-3, 6-2, 6-2. Voilà, ça a été relativement facile pour le Serbe qui était un petit peu en délicatesse ces derniers jours au niveau physique, mais ça a l'air d'aller pour le Serbe en quête, on le rappelle, d'un 25e titre record du Grand Chelem. Pour l'instant, il se met en jambe tranquillement, le Serbe. Il n'a pas douté sur cette rencontre. En tout cas, voilà pour ce qui concerne les hommes et puis chez les femmes. Pas de surprise, Sabalenka est passée à la numéro 1 mondiale. Donc sans trop de difficultés, Swiatek aussi elle est passée, la polonaise. Côté français, déjà de la casse pour pas mal de françaises, hormis la française Jacquet qui est passée. Sinon pour le reste, ça a été très compliqué déjà pour notre française. Il y en a encore quelques-unes cette nuit, mais ça c'est déjà un peu compliqué. Voilà pour la page tennis. On va marquer une pause et puis on revient dans un instant. Tiens, je vous rappelle aussi également que le Dakar s'est terminé. Le rallye Dakar s'est terminé. Malheureusement, ce sera pas encore pour Sébastien Loeb cette année. Battu, ça c'est sûr. Il a terminé quatrième, le Français. C'est encore une fois le Qatari Al Attiyah qui s'est imposé une nouvelle fois sur cette épreuve cette année. Donc voilà, ça sera pas pour cette fois encore cette année pour Sébastien Loeb, mais voilà, il continue de grappiller et quatrième cette fois. Allez, une pause et on revient. Il est 21h02 et on retrouve Hugo dans un instant. Le temps d'écouter un titre et puis on revient donc dans la foulée pour cette page football encore une fois. Allez, c'est parti. Pour le son, c'est maintenant. On va écouter ce titre de Dire Straits. C'est Money for Nothing que l'on écoute tout de suite. On revient donc dans un instant pour le foot. Hugo qui le trouve. Les directs. Allez, je me tais pour vous laisser profiter de ce solo de batterie. À tout de suite. retour. À l'instant, c'était Dire Straits, Money for Nothing. À l'instant, pour le son, il est 21h07. Si vous nous rejoignez, c'est bien sûr la rédaction du sport sur Arc-en-Ciel. On est ensemble encore pendant une heure et demie. On va retrouver Hugo dans quelques instants. Petite rectification avant la pause. Je vous ai parlé de l'Open d'Australie et du premier tour. Donc Benjamin Bonzi, je vous avais donné... qualifié, non, il a été battu hein, par Cameron Norrie. Hein. En tout cas, il a été au cinquième manche, mais ça n'est pas passé pour le Français. Donc, petite coquille rectifiée pour le Français qui ne passera pas. Et puis, donc, je vous le disais, cette nuit, évidemment, pas mal de rencontres qui vont se dérouler. Donc, il y a Sonego notamment qui sera parti. Donc, MNJ Pericard, Hugo Humbert, mon fils, les Français donc seront sur les cours. Une partie de cette nuit. Voilà, et puis on en a parlé aussi, Yannick Sinner, ce sera demain face au Français Hugo Gaston, hein, donc demain matin 9h. Donc voilà, pour le Français, belle affiche, mais ce sera évidemment compliqué. C'est le moment de retrouver Hugo pour notre page foot. Salut Hugo. Salut Rémi, salut tout le monde. Comment ça va ce soir? Bah écoute, ça va très très bien pour cette nouvelle semaine, et surtout, bah, on va en parler un petit peu après, mais... forcément une semaine aussi qui peut être décisive déjà pour qui peut être décisive pour nos clubs français en Coupe d'Europe, donc voilà une belle semaine qui s'annonce niveau foot. Ouais, effectivement, on va en parler tout à l'heure, mais déjà des clubs qui pourraient se qualifier dès cette semaine, donc on va en parler bien sûr. Les directs, ça continue évidemment. Alors on a au niveau foot 4 rencontres. Donc ça a bougé en Italie puisque Como a ouvert le score face à la Lazio. On est à la 23e minute de jeu. En Ligue 2, ça n'a pas bougé pour l'instant. Nancy-Guingamp. Donc le score 0-0 après 25 minutes de jeu. Et puis en Espagne, Elche-Séville, c'est parti depuis à peine 10 minutes, 0-0 toujours. Et Brighton-Bournemouth, peut-être que tu suis pour nous, Hugo. Je suis Nancy-Guingamp en Ligue 2 pour vous. Eh ben ouais, Nancy-Guingamp, et puis donc bah on sera en parallèle Brighton-Bournemouth en Angleterre, 10e minute. Pas de but pour l'instant. Et puis en handball aussi direct, donc de handball, c'est donc le troisième match de phase de poule pour l'équipe de France à l'Euro. Pour l'instant, la France est qualifiée pour la suite de la compétition, mais qui pourrait jouer la première place en s'imposant face à la Norvège. Pour l'instant, ça se passe pas mal. 20-17 à la pause pour les Français. Voilà, on suivra bien sûr aussi cette rencontre tout au long de cette soirée. Allez, on est parti pour notre débrief foot. On a pas mal de choses, je le disais, hein, puisque au-delà de la Ligue des Champions, on va évoquer la CAN. Bien sûr, peut-être on peut commencer par ça d'ailleurs. C'était hier soir cette finale de la CAN, et puis après on reviendra sur ce qui s'est passé au niveau des championnats. Cette finale de CAN, donc voilà, une finale entre le Maroc à la maison et le Sénégal. Deux pays qui n'ont gagné qu'une fois à CAN. Alors pour le Sénégal, c'était récent. Pour le Maroc, ça faisait 50 ans, donc c'était attendu à la maison. Belle affiche quand même. Enfin, globalement, au-delà de ce qui s'est passé, on en parlera aussi en fin de match. Mais sur la rencontre, moi, j'ai trouvé plutôt une belle affiche. Il n'y a pas eu de but, mais pas mal d'occasions hein, quand même. Ouais, je pense. Oui, t'as raison. Je pense qu'on va d'abord parler foot, et puis on reviendra peut-être très forcément sur sur un côté très très scandaleux de ce qui s'est passé en fin de match. Avec cette longue interruption, oui, c'était forcément une belle affiche. On l'évoquait la semaine dernière. Alors, c'était pas encore la finale quand on l'évoquait, mais on connaissait pas encore l'affiche de la finale. Mais c'est deux grandes équipes actuelles peut-être à peu près 10 ans que maintenant. Le Sénégal et le Maroc font vraiment partie des cadors en Afrique très régulièrement. Ils restent dans des très bons résultats. C'était peut-être pas forcément les deux équipes qui jouaient le mieux dans cette compétition. Moi, j'évoquais notamment lundi dernier, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, j'évoquais le Nigeria, malheureusement, je ne prends pas parti pour eux ou forcément, mais c'est vrai que le Nigeria aurait pu mériter aussi une place en finale. Malheureusement, ils ont loupé leur demi aussi. Et c'est vrai que on a vu un beau match globalement. J'attendais plus quand même des Marocains sur ce match-là, mais aussi c'est dans la lignée de ce qu'ils ont fait en demi-finale, où ils n'ont pas su marquer au final un seul but, hein, en demi et en finale, le Maroc, sachant qu'ils ont joué pourtant deux prolongations hein, sur ces deux matchs. Ouais. C'est pour ça qu'on... Ouais. pour ça qu'on peut aussi avoir un peu de regret forcément côté marocain sur cette CAN qui, tu l'as dit, forcément se joue chez eux après 50 ans sans gagner un trophée. Donc forcément c'était le rendez-vous rêvé pour eux. Malheureusement ils l'ont manqué. C'est vrai que ils ont eu des occasions quand même, hein, forcément. Ils sont en deuxième. Hein. Surtout en deuxième, bien sûr, ouais, carrément. Même si pour moi le résultat final est relativement logique que le Sénégal gagne, parce que le Sénégal a été au-dessus, je trouve, notamment techniquement quand même. C'est vrai que le Maroc, techniquement, il y a eu pas mal de déchets. J'étais un peu déçu, ouais, de par ça, parce que c'est vrai que ce sont des joueurs quand même très élégants, hein, les Marocains. Ben, forcément, je pense à Brahim Diaz, qui a été meilleur buteur de cette compétition. Je pense à El Aïnaoui, hein, le joueur qui joue à la Roma. Je pense à Saïbari aussi, à Mazraoui en défense. Enfin voilà, à Hakimi bien sûr, évidemment. Donc il y a vraiment des joueurs très élégants dans cette équipe. Et Zagzouli aussi, j'ai oublié de le citer, le joueur du Betis Séville. Donc il y avait des joueurs très élégants, et j'ai été un peu déçu notamment là-dessus par le Maroc hier. Et puis au-delà de l'aspect technique, surtout là où le Sénégal a vraiment été au-dessus du Maroc, c'est l'impact physique, l'aspect physique où ils ont vraiment beaucoup dans les duels été au-dessus les Sénégalais par rapport aux Marocains. Et puis bon, on va revenir dans quelques instants, je l'ai dit, sur le scandale, sur ce qui s'est passé. Mais ce but magnifique de Pape Gueye aussi à la 94e, ouais, il est quand même très beau. La construction est aussi belle. Ouais, la construction, bien sûr, ouais, carrément l'œuvre un petit peu collective de cette action-là, et puis la frappe, elle est sublime de Pape Gueye. Donc globalement un match plein du Sénégal. Alors je t'ai dit, on va revenir sur les faits de jeu, sur les faits qui se sont déroulés, parce que le Sénégal n'a pas toujours été, si on peut les penser victimes au début, ils n'ont pas toujours été très élégants non plus dans leur réaction, mais en tout cas sportivement, je trouve qu'ils ont été relativement au-dessus sur ce match-là. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, vraiment sur le match en tant que tel, toi. Ouais, c'était une belle rencontre. Enfin, oui, c'est, enfin, des occasions. Il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu du suspense. Enfin, le score était, il n'y a pas eu de score fleuve. C'était cool. Après, oui, c'est la fin de match. C'est dommage, quoi, parce que ça s'était bien passé. Il y a eu ces deux moments un peu polémiques qui gâchent un peu la soirée. Et bon, pour le titre, ça n'a pas gâché le titre pour les Sénégalais, loin de là, mais c'est dommage, quoi, que ça se termine comme ça. Ouais, parce que on va peut-être rappeler du coup les faits, ce qui s'est passé en fin de match. On est déjà dans les arrêts de jeu, je crois, hein, quand ça se passe, quand le but sénégalais est refusé. C'est les 90 plus 3, plus 4, un truc comme ça. Donc on réexplique pour ceux qui n'ont pas forcément vu le match ou qui ont un petit peu survolé tout ça. Donc le Sénégal va marquer un but. Problème, le but est tout de suite refusé. L'arbitre a sifflé avant que le ballon rentre dans le but, oui, en fait, carrément. Et ce qui fait que, forcément, et comme tu es arbitre, Rémi, je te laisse le dire, même s'il n'y a pas la VAR en régional, mais... Oui, on peut plus faire appel à la VAR si l'arbitre a sifflé avant prélèvement. Donc c'est ça qui est... Bah, c'est quand au moment ici, il se dit pas que peut-être ça va, il va y avoir but, mais laissons un peu de temps pour finir l'action, quoi. C'est un peu rapide, quoi. Bah voilà, c'est ça. Donc c'est déjà le premier mini scandale, quoi. C'est que oui, dans le foot d'aujourd'hui, depuis que la VAR est mise en place, donc depuis maintenant 5-6 ans, à peu près 5-6 saisons en tout cas, voilà, les arbitres sont censés laisser, même si des fois c'est presque à tort, mais sont censés se laisser terminer les actions. Et c'est pour ça que là déjà on peut dire qu'il y a presque un mini scandale déjà là-dessus, surtout à un moment aussi charnière du match, où t'es déjà dans les arrêts de jeu. Et puis forcément après, bah il y a aussi le penalty qui est sifflé en faveur du Maroc. Ce qui peut être un petit peu discutable aussi. Enfin, moi, c'est plus la manière. Le penalty, il peut se siffler. Tu me diras après aussi. Je te laisse finir. Moi, c'est juste la manière, en fait. C'est notamment, Brahim Diaz, je peux comprendre que forcément, encore une fois, on est à 90 plus 5. Il reste quelques secondes. Tu joues la finale de la CAN dans ton pays, à la maison. T'as tout ton peuple qui est derrière toi. T'as pas gagné depuis 50 ans un trophée. Donc, forcément, t'as la pression. Tu peux avoir un penalty. Donc, je comprends qu'il puisse aller mettre la pression à l'arbitre, mais j'ai vraiment l'impression que je sais pas si l'arbitre aurait été appelé quoi qu'il en soit par la VAR, mais la manière où j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu laissé aussi pas berner, parce que c'est pas le mot, parce qu'il y avait sûrement faute sur cette action là mais oui, c'est un petit peu laissé prendre de haut, marcher dessus par Brahim Diaz. C'est un peu ça qui m'a dérangé sur le moment. Après, je sais pas ce que toi t'en as pensé aussi, du coup. Oui, la faute, elle est... En fait, elle peut siffler, elle peut ne pas siffler. C'est le geste est là, mais il est pas... Il est pas franc. Il est un peu léger. Il est pas franc, il est... Et évidemment, et à ce moment-là du match, tu tu te laisses tomber, mais tu fais pas d'efforts pour rester debout, hein. Ça, c'est, ouais. Bah, on comprend, et, évidemment. Mais après, c'est toujours l'interprétation aussi. On sait que, bah, t'as des arbitres qui vont siffler, t'en as d'autres qui vont pas siffler. Bah, là, on est au Maroc. On connaît la pression qu'on peut avoir dans ces moments-là. Est-ce que ça a influencé sa décision? J'espère pas, mais je pense que si. Je pense que ça joue. On l'a vu dans d'autres sports. On l'a vu il y a maintenant presque 10 ans en finale de Coupe du Monde de rugby où la France était en Nouvelle-Zélande la France était au-dessus et la France a perdu pour des décisions arbitrales. Et là, c'est un peu. Je sais pas. J'ai le sentiment que c'est la même chose et que l'arbitre sur la rencontre, il y a rien à dire hein, globalement. Et l'arbitrage a été correct. C'est pour ça. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dire, par exemple, qu'il aurait pu avoir un potentiel arrangement? Je n'irai pas jusque là, mais peut-être inconsciemment l'arbitre, il se dit voilà, je suis au Maroc, c'est la finale du Maroc face au Sénégal. Est-ce que voilà, ça a pas joué dans sa décision, sans penser à ce qu'il y a un arrangement, mais peut-être que lui inconsciemment inconsciemment ou pas, hein, parce que pas, d'ailleurs, dans un stade. Je sais même plus combien il fait comme capacité le stade, mais t'as un énorme stade, en plus flambant neuf, où c'est rempli forcément de Marocains. Il y avait aussi une bonne partie de supporters sénégalais, mais t'as tout ce stade-là, puis t'imagines bien les millions de téléspectateurs, non seulement au Maroc, dans l'Afrique, et puis dans le monde entier. C'est vrai que c'est à ce moment-là du match, c'est dans la tête de l'arbitre, il doit avoir beaucoup de choses dans la tête, quoi. Oui, non, c'est sûr, mais... Ouais, j'espère que c'est pas ça, mais voilà, c'est globalement la rencontre s'est bien déroulée. Hein. C'est vrai que il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu de décision qui aurait pu être discutable. Non, c'est la fin. C'est dommage parce qu'en fait il restait rien et c'est comme ça. Mais c'est quand même là qu'on voit les limites. Pas forcément généralisé de l'arbitrage africain en général. Mais en tout cas, peut-être de cet arbitre-là ou de ce trio d'arbitres-là, c'est non seulement, on l'a dit, ce but refusé au Sénégal parce qu'il siffle avant la fin de l'action, ce qui est complètement débile, on l'a dit, depuis l'instauration de la VAR depuis des années, et puis c'est forcément ce qui va se passer après. C'est tout ce bordel qui va arriver, avec les Sénégalais qui vont pester, on peut les comprendre aussi, mais au final, c'était fait, quoi. Il avait sifflé avant que le ballon franchisse la ligne, donc forcément il pouvait pas revenir à la VAR non plus sur l'action sénégalaise. Et puis après, oui, je l'ai dit, il y a tout ce bordel avec les supporters sénégalais qui vont essayer de rentrer sur la pelouse et qui commencent à se frapper avec d'autres, avec des stadiers aussi. Il y a le coach, il y a le sélectionneur sénégalais Papio qui va encourager tous ses joueurs à rentrer au vestiaire pour pester, pour ne pas finir le match. Enfin, il y a tout ça et cet arbitre qui on le sent est paumé, n'arrive pas à reprendre le dessus, à prendre le contrôle sur son match. Et le fait que c'est quand même vrai aussi, quoi. C'est ce que disaient notamment les commentateurs. Moi, j'ai regardé sur Beansport parce que c'est aussi diffusé sur M6. Je pense que beaucoup de gens qui ont regardé et qui nous écoutent ont regardé peut-être sur M6. Mais moi, j'ai regardé sur Beansport et je sais pas ce qui s'est dit sur M6, mais ils hallucinaient, les commentateurs sur Beansport, de voir que ce penalty allait quand même être tiré dans une ambiance pareille et surtout que de l'autre côté du stade, il y avait encore des supporters sénégalais qui étaient en train de se battre à moitié. Donc, je veux dire, non seulement moralement, c'est une catastrophe, et puis je veux dire, même pour la sécurité, par exemple, des joueurs, c'est une catastrophe. T'imagines si Brahim Diaz, il avait marqué? C'est vrai que ça aurait pu être une brèche à Salom sur le terrain, en fait. La sécurité des joueurs, elle était plus là, quoi, à ce moment-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi aussi? J'ai pas compris, tu m'as dit, pardon? La question, c'était. Mais écoute pas du tout, celui-là, en fait. Je disais que. Le fait de quand même faire tirer ce penalty, déjà 20 minutes après l'interruption du match, on va dire, faire tirer ce penalty alors que de l'autre côté du terrain, il y a encore des supporters sénégalais qui sont à moitié sur la pelouse et qui sont à moitié encore en train de se battre. Non seulement d'un point de vue moral, c'est une catastrophe, mais en plus d'un point de vue sécurité des joueurs, c'est une catastrophe aussi. Parce que imagine si Brahim Diaz avait marqué le but. Ça aurait pu être une brèche à Salom dans le terrain. Oui, c'est sûr. Oui, non, c'est clair. Ça aurait pu être une catastrophe. Et c'est pour ça que je dis que vraiment... Même le trio arbitral sur ce match-là et sur cette situation-là, non seulement sur les décisions, sur l'ensemble de l'interruption de ce match, les raisons, et puis le fait, la décision de faire tirer ce penalty alors que c'est encore le bordel de l'autre côté du terrain, c'est une catastrophe. une catastrophe. Alors, voilà, je sais pas ce qu'il aurait pu avoir comme autre choix de décision à faire. Mais je veux dire, pour moi, il fallait pas sortir ce penalty, ou alors fallait attendre que ça revienne vraiment à la normale, notamment du côté des tribunes. Et puis bon, voilà, c'est un petit aparté là-dessus. Et puis bah, il a pas fait exprès, hein, Brahim Diaz, on est d'accord. Au début, j'ai cru qu'il avait fait exprès, mais non, hein, on voit bien sa réaction après. Sa réaction, et puis même si t'as fait gaffe, moi j'avais fait attention sur le moment, c'est que avant de tirer ce penalty, il embrasse deux fois le ballon. Je pense que s'il avait vraiment voulu faire un geste et jouer à la loyale, il n'aurait pas embrassé le ballon pour se porter bonheur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, c'est tous ces petits gestes-là, ce body language aussi, qui fait qu'on est sûr qu'il n'a pas fait exprès. Mais il a tenté une panenka à ce moment-là du match aussi, alors c'est très culotté. Certains l'ont fait, hein, des plus grands. On pense bien sûr en premier, surtout chez nous en France, à Zizou. On pense à Benzema aussi, qui l'a fait plus récemment. Et ouais, là, ça n'a pas marché. Et c'est vrai que là, bah, forcément, hein, il a porté... il porte encore en ce moment en plus tout le poids de cette défaite sur ses épaules, même si c'est pas forcément de sa faute aussi, tout ça. Mais il aurait pu donner la victoire à son équipe là-dessus. Après, je pense qu'on aurait partout... Même si Maroc avait gagné sur ce penalty-là, je pense que malheureusement, pour eux quand même, pour cette équipe en tout cas, c'est pas ce qu'on aurait retenu en premier. Ça aurait été vraiment la catastrophe de cette situation-là, le manque d'organisation et les décisions très mauvaises qui ont été prises, notamment par la CAF durant tout ce tournoi-là, et notamment sur les désignations d'arbitres. On aurait retenu beaucoup ça, et puis forcément ce scandale en finale. Donc voilà, est-ce que je peux dire que c'est un mal pour un bien? Non, parce que ce serait un peu dégueu de dire ça, surtout pour nos amis marocains. Mais voilà, dans tous les cas, je trouve que le score est logique sur l'ensemble de la rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on parlait vraiment du pur sportif. Le Sénégal a gagné, a remporté sa deuxième étoile, sa deuxième CAN. Pour moi, c'était logique sur l'ensemble du match. Donc voilà, j'estime que le football a quand même repris ses droits, heureusement, hier, et a récompensé une belle équipe quand même sénégalaise. Et puis dernière de Sadio Mané, qui part sur un titre. Ouais, tout à fait. Il sera là à la Coupe du Monde. Oui, en tout cas pour la CAN, voilà. Oui. Pour la CAN, oui, c'est sa dernière. Donc oui, puis double champion. Il gagne deux fois la CAN, hein, parce que c'était en 2021 ou 2022. Ouais. Donc oui, franchement, ça prouve qu'il fait partie, ou si ce n'est peut-être le plus grand joueur de cette sélection sénégalaise de l'histoire. Mais voilà, oui, c'est vrai qu'il repart sur cette dernière CAN comme un patron, comme un roi. Alors, la CAN aura lieu dans 2 ans. La prochaine CAN. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas de pays organisateur. Hein. Probablement. Enfin, c'est possible que ce soit Maroc, mais ouais. Ah non, c'était sous condition qu'il gagne, je crois, la CAN. Je sais plus. Il y avait une sorte de condition, ouais, comme ça aussi. Donc, c'est quand même assez fou de se dire que 2 ans avant, t'as pas de pays organisateur quand même. Enfin, c'est un truc qui pourrait jamais arriver, hein, pour un Euro, pour une Coupe du Monde. C'est 10 ans avant, c'est déjà qui organise. Alors après, quoi. Je crois que c'est notamment pour ça, parce que après, ils vont repartir sur un cycle de 4 ans. Ouais. Semble, nous, normal, voilà, de 4 ans. Donc c'est aussi pour revenir un peu là-dessus, et du coup, comme c'est un petit peu à la va-vite, je crois, qui prévoit un peu ça, ce qui fait qu'en fait, à part le Maroc, du coup, qui a des infrastructures toutes neuves et magnifiques, dernier cri, c'est ce qui fait que c'est le Maroc, en fait, qui est presque le seul pays en Afrique qui peut se permettre aussi vite de réorganiser un tournoi de cette ampleur. Donc mais oui, c'est sûr que c'est, ça prouve quand même, oui, le manque de professionnalisme en soi. Il y a un retard encore énorme entre la CAF. Ouais. Ouais. On le voit quand même, hein, bien sûr, sportivement, même sur d'autres aspects, que le football africain a quand même bien évolué dans le bon sens depuis plusieurs décennies. Mais encore sur des organisations comme ça, c'est vrai que c'est encore compliqué parfois. Et Maroc qui organisera... Ouais. Nancy a failli ouvrir le score. Ah. Un coup franc super bien tiré, 41e minute, mais ça passe juste à côté, ça frôle ça touche le filet extérieur, mais le petit filet extérieur, mais fait toujours 0-0, Nancy Guingamp, 41e. Ouais, t'allais dire, pardon. Et le Maroc qui co-organisera le Mondial 2030, hein, d'ailleurs. Oui, aussi, avec Espagne et le Portugal. Espagne et Portugal, ouais. Alors tu disais donc Nancy Guingamp, on a aussi donc Combe qui pendant qu'on parlait a marqué deux fois, donc enfin qui a remarqué une deuxième fois, donc 2-0, et qui a manqué un penalty du 3-0, mais en tout cas ça se passe bien pour l'instant pour Combe, mais évidemment moins bien pour la Lazio, c'est presque la mi-temps. Là aussi en Ligue 2, en Angleterre, Brighton Bournemouth 0-0. Et puis Elche aussi pendant ce débrief de la CAN a ouvert le score face à Séville 1-0. après 26 minutes. Et en handball, donc la France est toujours devant, 22-19, toujours ces 3, même 4 pubs maintenant d'avance, 23-19 à la 35e, donc ça se passe très bien globalement pour nos Français face à cette meilleure équipe de cette poule avec la France, la Norvège, qui donc dans tous les cas se qualifiera également pour la suite. Et puis après, on pourra peut-être se projeter un petit peu après le match sur le tableau qui va arriver derrière. Voilà, donc on va fermer cette page Cannes. On est déjà 21h28. On va accélérer un peu parce que c'est vrai que on a beaucoup de Il y avait pas mal de choses à dire quand même. Ouais, effectivement. Notre débrief classique, hein, on va repartir avec le championnat. Donc en Allemagne, il y a eu deux journées cette semaine, on le rappelle, hein, il y a eu une 17e journée en milieu de semaine, il y a eu une 18e journée ce week-end. Très rapidement, la 17e journée, on va pas débriefer, mais le Bayern notamment s'est imposé donc à Cologne, donc assez logiquement. 3-1. Dortmund aussi fait le boulot face à Brême, 3-0. Et puis on a également Stuttgart qui avait gagné 3-2 face à Francfort. C'était un match plutôt intéressant. Et un match d'ailleurs qui sera joué un peu plus tard, ce sera le Bayer Leverkusen qui jouera en Bourg. Ce sera seulement le 4 mars, hein, le match qui avait été reporté. Et puis on a eu cette 18e journée, du coup, ce week-end. On avait notamment ce match qu'on avait évidemment coché, c'était Leipzig Bayern. Finalement le choc, il a pas eu lieu, hein, entre ces deux équipes. Alors il a eu lieu pendant un certain temps, c'est pour ça que je vais faire un petit peu le débrief de ce match, mais c'est vrai que je trouve ça un peu sévère au final ce score final, mais parce qu'on avait un Bayern grandement en difficulté et bousculé en première période, hein. Ils ont été très peu dangereux dans ces 45 premières minutes, alors que Leipzig, au contraire, a été très dangereux dans ses contres et a vraiment su exploiter les largeurs du terrain. C'est vrai qu'ils ont été très très forts là-dessus, le RB Leipzig. Et ça les a emmenés à ouvrir le score à la 20e minute grâce au Brésilien Romulo, alors qu'ils ont gâché quand même d'autres énormes actions dans cette première mi-temps. Ils vont encore avoir des occasions au retour des vestiaires, hein, Leipzig, même après l'égalisation de Gnabry, Serge Gnabry à la 50e pour son 100e but avec le Bayern, mais ils vont faire face, ces joueurs de Leipzig, ces attaquants, à un très bon Neuer, hein, qui à son âge est encore en pleine forme. Et c'est à partir vraiment du but d'Harry Kane à la 67e, hein, le 2-1 pour le Bayern, que le match va réellement basculer. Et ça peut être à l'image, même pour donner un exemple, du 4e but bavarois, où Kane, dans son camp près du rond central, va effectuer une magnifique transversale et lancer Olise dans la profondeur côté droit. Et le Français, voilà, qui va avancer puis repiquer au centre dans la surface pour trouver un centre à ras de terre à Pavlovic qui n'a plus qu'à frapper dans le but grand ouvert. Et voilà, ce sursaut d'orgueil, je vais arriver, du Bayern, il est surtout dû à l'entrée à la 57e de Michael Olise, une nouvelle fois exceptionnelle et auteur d'une perf vraiment XXL. Avec un but, ce serait le cinquième, hein, pour le Bayern. Et surtout trois passes D, dont le troisième but, je n'ai pas cité, celui de Jonathan Tah, d'une tête sur corner. Donc un but et trois passes décisives pour Olise, alors que je le rappelle, il est entré en jeu juste avant l'heure de jeu. Donc c'est encore une performance assez magistrale, mon cher Rémi. Dortmund qui a eu du mal dans sa rencontre face à Saint-Pauli, mais qui prend trois points importants, d'une part pour pas être trop décroché par le Bayern, même si il y a quand même 11 points, mais surtout pour pas voir derrière les adversaires revenir. Donc victoire 3-2 de Dortmund. Ouais, victoire 3-2 de Dortmund, victoire poussive, hein, et sans vraiment briller de Dortmund, le BVB qui a eu quand même quelques opportunités en première période, mais il a fallu attendre le bout du bout de celle-ci à la 45e plus 1. Et un but de Julian Brandt, hein, pour enfin ouvrir le score, 1-0 à la pause. Et Dortmund, ouais, qui va penser se mettre à l'abri à la 54e quand Karim Adeyemi va doubler la mise grâce à une belle action collective. Mais Sankt-Pauli, qui était dans la zone rouge, va rebondir et marquer deux buts pour égaliser à la 62e et 72e minute. Et ils vont être malheureux, hein, Sankt-Pauli, puisqu'ils vont perdre ce match à la dernière seconde, hein, sur un pénalty transformé par Emre Can grâce à l'intervention de la VAR, puisque initialement l'arbitre avait accordé un coup franc sur cette action, mais au final voilà, pénalty transformé par le Turc. Et voilà, la manière, je l'ai dit, n'y était pas, mais en tout cas, le principal est là pour Dortmund, à savoir conforter sa place de dauphin du Bayern. Et en revanche, de l'autre côté, Sampaoli, qui est avec cette défaite, et à la fin de cette journée, lanterne rouge de la Bundesliga. Exactement. Tiens, très bon résultat pour et puis mauvais résultat pour le Bayer Leverkusen, c'est Hoffenheim qui gagne 1-0 face au Bayer et qui prend la place du troisième sur le podium avec ce succès. Hoffenheim qui est dans une bonne forme, ils avaient déjà gagné la semaine dernière, je crois c'est 5-1, je crois ils avaient mis 5 buts aussi. Hoffenheim, il me semble, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. 5-1, ils sont sur une bonne dynamique. Ils sont sur 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires, et un 0-0 face à un adversaire au classement Stuttgart. Ils avaient perdu à Dortmund début décembre, mais au-delà de ça, ils n'avaient pas perdu un match de championnat depuis le 3 octobre, si on met Dortmund de côté. Donc non, ils sont vraiment sur une grosse série positive. Ils sont sur une très très bonne saison au Hoffenheim. C'est vrai qu'ils font... Ils sont vraiment surprenants, cette équipe-là, et ça a permis de cette nouvelle victoire encore ce week-end. Ouverture du score de Bournemouth, donc sur la pousse de Brighton, 33e. Pardon, je te laisse poursuivre. S'il vous plaît. donc Hoffenheim, ouais, donc franchement, qui s'installe bien sur ce podium-là, qui a encore un match de retard, hein, du coup, sur Dortmund, donc ouais. Qui pourrait vraiment être seul 3e et être qu'à 3 points de la 2e place et du BVB. Donc ouais, franchement, encore une belle opération pour Hoffenheim. Au contraire, bah, les Leverkusen, là, c'est encore un joker de grillé et voilà, ça fait 4 points là de retard sur le troisième. Et je l'ai dit, Hoffenheim a autant de matchs que Leverkusen, mais un match de retard aussi que le haut du panier. Donc, qui jouera face à Brême mardi prochain. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, ouais, très très belle opération d'Hoffenheim. Et puis on a quoi si Stuttgart, si ça on n'a pas parlé, qui a fait match nul face à Berlin, donc un partout. C'est dommage de pas avoir profité du faux pas de Leipzig pour prendre la troisième place, mais du coup qui reste quatrième aux côtés d'Offenheim, mais on l'a dit qu'il y a un match de moins. C'est pour ça que c'est une mauvaise opération pour Stuttgart. Hein, ouais. Ils ont un match de plus pour le coup que Leipzig ou Offenheim, donc c'est pour ça que c'est vraiment un mauvais résultat ce match nul un partout contre l'Union Berlin, parce qu'ils peuvent vraiment se faire passer encore devant par la Leipzig aussi, donc, et se faire un peu distancer par Hoffenheim. Donc c'est vrai que ce match nul de Stuttgart, il était vraiment, ouais. Vraiment pas le bienvenu. Pas le bienvenu. Ouais, qui s'est fait rejoindre dans les 10 dernières minutes. Donc, ouais. Ouais. 2 points de perdu par Stuttgart. Donc on a le Bayern, donc leader toujours avec 50 points. Toujours invaincu, on le rappelle, dans ce championnat. Dortmund est deuxième avec 39 points, donc voilà, 11 points maintenant d'écart. Hoffenheim actuellement 3 avec 33 points, mais un match en moins donc sur notamment ses deux adversaires du dessus. Stuttgart 4 avec 33 points, qui est à jour pour l'instant. Leipzig 5e, 32 points, donc là aussi un match de retard, qui sera joué également mardi prochain. Donc ces deux matchs-là seront joués la semaine prochaine. On a ensuite Bayer Leverkusen, donc 29 points, mais là aussi un match de retard à jouer, mais qui sera joué uniquement ça le 4 mars. Voilà, c'est évidemment les calendriers sont chargés, donc ça nous emmène que 4 mars maintenant pour rattraper ce match-là. Et puis on a dit ensuite on a notamment Francfort, seulement 7e avec 27 points. Hein, Francfort, ça va moins bien, qui a été tenu en échec à Brême. Hein, c'était vendredi soir, 3 partout, donc là qui perd encore 2 points et encore qui égalise dans les dernières secondes. Hein, mais voilà, qui perd du terrain désormais sur les autres, sur ses adversaires. Et puis en bas, on a dit Heidenheim 13 points, Mayence et Saint-Pauli 12 points. Voilà, donc pour ce classement donc de Bundesliga. On le dit toutes les semaines, tous les lundis, mais je revois encore le goal average du Bayern. Qui est dingue. Et encore plus avec ces deux derniers matchs. Avec le 5-1, là. Ouais. Et le 3-1, ouais. Et le 5-1. Ça fait combien en but marqué? Enfin, plus 57, mais en but marqué, on est à combien maintenant? Je l'ai pas sous les yeux, mais je sais que l'écart il est dingue. On va le retrouver, mais je l'ai pas sous les yeux là, mais on va le retrouver. En tout cas, voilà, le Bayern qui est évidemment qui est vraiment au-dessus du lot pour le moment. Un coup d'œil sur ce qui va nous intéresser lors de cette prochaine journée, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on se regarde comme rencontre intéressante. Il n'y a pas d'énormes choses. Pas de gros matchs. Hein. Le Bayern va accueillir Augsbourg, Dortmund va se déplacer sur la pousse de l'Union Berlin, Hoffenheim ira à Francfort. Voilà, c'est un duel, on va dire, de potentiel européen au classement en tout cas. Voilà, globalement, Leverkusen accueillera Brême et, par exemple, Leipzig ira à Heidenheim. Ouais. Bon, il y a pas de gros choc, ouais. De gros choc, ouais. Une petite affiche hipster comme parfois, mais Francfort Offenheim, voilà, je l'ai cité. Francfort en Lisée, alors qui est un peu en peine en ce moment, hein, quand même 7e, là, il commence à avoir un petit peu de retard sur les premières places européennes, enfin sur les places européennes un peu plus bankable, mais Francfort 7e contre Offenheim 3e, ça peut être intéressant quand même. Oui. Ouais, bon, c'est à peu près tout ce qu'on a donc en Allemagne. On poursuit. Alors, les directs ont fait un petit coup d'œil, puisque ça va être la mi-temps, ça y est, en Ligue 2. Hein. C'est la mi-temps en Ligue 2, ouais, toujours 0-0 entre Nancy et Guingamp. Mi-temps aussi en Italie, 2-0 pour Com, donc sur la pelouse de la Lazio de Rome. Et puis en Angleterre, 1-0, c'est toujours le score en faveur de Bournemouth sur la pelouse de Brighton. Et en Espagne, Lecce mène aussi sur sa pelouse face à Séville, 1-0. La France mène toujours au rang de 28-24, donc toujours c'est 3-4 buts d'avance pour la France qui tient bien. On est à la 44e, donc encore 15 grosses minutes à tenir avec ces 4 buts d'avance pour s'assurer cette première place du groupe. L'Italie maintenant avec la 21e journée. On n'avait qu'une journée en Italie cette semaine. On a pratiquement tout le monde à gagner dans le top 5, hormis la Juve, on va y revenir. On va revenir chronologiquement. C'est l'Inter qui lançait les hostilités samedi après-midi sur la pelouse d'Udinese. Score minimum syndical, hein, mais ô combien important pour conserver la tête. Victoire 1-0. Ouais, tout à fait. Bah ouais, l'Inter qui assure le minimum, on va dire. Hein, mais on va beaucoup dire ça, je pense, sur cette journée, parce que je regardais ça là, en voyant tous les scores. Il y a eu très peu de buts sur cette journée. Le match où il y a eu le plus de buts, pour vous dire, hein, sur les 9 qui se sont joués, c'est entre Bologne et la Fiorentina. Il y a eu 2-1 pour la Fio. Ouais. Donc c'est pour dire à quel point ce sera peut-être Com qui va faire mieux, mais pour l'instant, il y en a deux. Oui, ça peut être battu, mais c'est vrai que ouais. Mais l'Inter, ouais. Pour les autres, il y a eu combien ? Il y a eu 4-1-0, il y a eu 2-0-0, ouais, 1-1 partout, 1-2-0. Enfin voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts sur cette journée de Serie A. Mais oui, bah, l'Inter qui a assuré le minimum, hein, sur le terrain, tu l'as dit, de l'Udinese, signer un deuxième succès d'affilée et garder cette place de leader qui était franchement importante face au rival milanais derrière, parce que Milan a aussi gagné son match contre Lecce 1-0. Donc voilà, c'est un petit peu le même cas de figure sur ces deux matchs pour les deux rivaux milanais. Ouais, l'Inter au-dessus, hein, du lot en première période. Globalement, vraiment, ils ont été supérieurs, hein, à tous les niveaux. Beaucoup d'occasions, un but qui a été récompensé par Lautaro Martinez, assez logiquement. Après, ils ont un peu plus géré en seconde période leur avance, leur avantage. Mais globalement, voilà, ils ont dominé dans tous les secteurs du jeu. Donc c'est une victoire qui est logique, qui leur suffit, qui suffit leur bonheur pour rester bien aux commandes, mais voilà, c'est pas un succès fondateur pour les échéances à venir, mais voilà, il fallait gagner avant la Ligue des Champions. En plus, il fallait vraiment se mettre en jambes. On n'a pas parlé, mais l'Inter donc qui recevra Arsenal, hein, demain soir. Ouais, grosse réception. Arsenal, t'as pas gagné ce week-end, on en parlera après. Mais... Exactement. Ouais. Donc, ouais. Et puis c'est vrai que tout à l'heure on n'a pas trop pensé à l'évoquer, mais en Allemagne, donc le Bayern, on le disait qui est tranquille en championnat, donc va recevoir Union Saint-Gilloise. Donc voilà, normalement c'est largement sa portée au vu de ce qui s'est encore fait ce week-end, mais voilà, donc ça ce sera pour le Bayern. L'Italie, donc on continue avec donc toujours samedi, c'était Naples ensuite qui recevait Sassuolo, bah, pour essayer d'imiter l'Inter et rester toujours au contact. Là aussi, ils ont plus souffert, hein, Naples, hein. Ça a été plus compliqué, puisque Sassuolo qui a eu beaucoup d'occasions, qui a d'ailleurs eu plus d'occasions que Naples, hein, en fait, hein. C'est Sassuolo qui, dans, en tout cas dans les chiffres, aurait mérité de gagner, mais Naples avec son but très très tôt dans le match, à la 7e minute, Lobotka qui va ouvrir la marque très tôt, ça va suffire ensuite à Naples pour rester devant et s'imposer, mais ça a été compliqué effectivement. Sassuolo qui a multiplié les occasions. Les deux n'étaient pas en réussite, hein, comme les deux équipes. Pour parler encore chiffres, par exemple, oui. Ils faisaient 4 tirs cadrés partout, c'est pas ensemble total de combien, 32 ouais. Dans le match en tout. C'est pas suffisant. Ouais. Ouais. Mais voilà, il y a eu des arrêts de Savic, notamment du côté de Naples, pour maintenir son équipe devant. Donc là, voilà, ça n'avait pas été le voilà, on pense que ça a été un peu comme l'Inter au niveau du match, pas du tout. Hein, ça a été très compliqué pour le Naples, qui aurait pu ne pas gagner, aurait pu aller prendre qu'un point sur ce match. Mais là aussi, l'essentiel, il est fait, c'est d'avoir remporté ces trois points. Très important pour rester voilà, toujours accroché derrière, même s'il y a un peu d'écart avec l'Inter, mais c'est important de suivre le rythme. Naples de son côté jouera également demain en déplacement à Copenhague. Voilà, donc long déplacement pour affronter Copenhague dans cette 7e journée donc de Ligue des Champions, dont on parlera aussi tout à l'heure. On poursuit avec toujours samedi, ben c'est la Juve ensuite qui est entrée en piste pour sa rencontre face à Cagliari. Là aussi, important de gagner pour suivre les copains. Bah, la Juve qui est le seul à chuter du coup dans ce week-end de Serie A à Cagliari. Voilà, pourtant la Juve qui a dominé hein, là aussi globalement les débats. Enfin. Sur tous les secteurs du jeu, enfin, on est presque à 80% de possession. Ils ont ultra dominé, mais ils ont pas été dangereux, quoi. C'est ça, pas dangereux. Seulement 5 tirs cadrés, sur 21 tirs, c'est trop peu. Et évidemment, bah là, c'est Cagliari qui en a profité et qui a fait le dos rond un petit peu pendant presque une heure de jeu. Et puis, sur sa seule vraie occasion, d'ailleurs, même le seul tir cadré hein, de Cagliari, c'est ça qui est fou, c'est que 3 tirs, 1 cadré, 1 but. Le réalisme il est fou et c'est Mazzitelli qui va marquer le seul but de cette rencontre et va donner la victoire à Cagliari qui fait du bien à Cagliari qui était pas en légal mais qui avait 2 points d'avance sur la zone rouge, donc un succès très important pour eux et une défaite qui va faire beaucoup de mal à la Juve qui revenait, on avait parlé ces dernières semaines, qui revenait bien, hein, qui grappillait des points, qui avait pas perdu depuis début décembre. C'était face à Naples en plus, donc enfin, c'est un grand match. Derrière, il y a eu beaucoup de succès consécutifs, donc ça c'est vraiment un coup d'arrêt pour la Juve qui fait mal face en plus à un mal classé. C'est dommage pour la Juve. Surtout que dernièrement, on n'avait pas eu l'habitude de voir la Juve autant galérer devant le but, hein, parce qu'ils avaient gagné notamment le week-end dernier 5-0. Contre Cremonese, alors Cremonese voilà, qui est très très mal classé, ou encore 3-0 sur la pelouse de Sassuolo le 6 janvier. Donc c'est vrai qu'on n'était pas habitué à les voir autant galérer devant le but, et là c'est 5 tirs cadrés seulement, hein. C'est un peu comme le match de Naples, c'est 5 tirs cadrés en 21 frappes, quoi, 21 tirs, donc c'est beaucoup trop peu, mais c'est vrai que sur ce match-là, pas grand-chose leur a réussi dans la finition notamment, parce que c'est vrai que sinon ils ont vraiment ultra dominé. Ce match-là, puis ouais, ils ont vraiment eu le ballon de la première seconde à la dernière. Donc ouais, c'est gros coup d'arrêt pour la Juve, mais c'est pour ça que je suis pas non plus plus inquiet que ça concernant leur forme actuelle et leur série, parce que voilà, c'est vrai qu'ils sont sur une très bonne série, sur une très bonne forme actuellement, et ce match-là, bah, ça peut arriver aussi. Quoi. Tu domines à fond et à la fin de mes phrases, qu'on déteste un petit peu tous. Pour tous ceux qui ont pratiqué le sport, mais dominer n'est pas gagner. Et là, ça a été le cas pour la vieille dame sur ce match-là ce week-end. C'est l'exemple type, ouais. La Juve recevra Benfica, donc demain, mercredi, en Ligue des Champions pour cette 7e journée de Ligue des Champions. Voilà pour samedi. Et puis hier, on avait notamment la Roma qui se déplacement dans l'autre club de Turin, d'ailleurs le Torino. 2-0, victoire de la Roma. Qui s'impose là aussi, c'était important de suivre le rythme hein, de Naples, du Milan, on en parlera, de l'Inter. Donc un match sérieux hein, de la Roma. Oui, globalement aussi qui mérite largement cette victoire qui a pas été appliquée tout au long du match, qui va marquer à deux moments un peu clés, hein, à moitié de période, hein, Malen d'abord, un peu avant la demi-heure, Dybala dans le dernier quart d'heure, donc des moments assez intéressant et voilà, donc globalement match dominé, sérieux, voilà, et face à un Torino un peu moins précis devant le but, et voilà, ça permet à la Roma de prendre 3 points aussi, 3 points importants pour suivre le rythme de ses adversaires. Donc victoire 2-0 de la Roma. Et puis enfin, c'était le Milan qui jouait le dernier, enfin qui jouait en tout cas le dernier parmi le top 5, c'était le Milan AC, donc face à Lecce, c'était dimanche hier soir. Là aussi un peu le service minimum pour le Milan, comme c'était le cas de l'Inter de Naples, qui s'en sort 1-0. C'est Fulcrux qui va marquer l'unique but du match, mais là aussi globalement un match qui a été ultra dominé par le Milan, hein, donc que ce soit niveau possession, niveau occasion, au niveau des tirs à Lecce, c'est 3 tirs, 0 cadré. Hein, donc vraiment pas dangereux du tout. Donc ce succès, il est évidemment très logique. Mais même Milan, ouais, ils n'ont pas été très adroits dans le but. Hein. Je pense que les Italiens n'ont pas passé un énorme global. En termes d'intensité. C'était un peu global, ouais. Mais voilà, ils ont ultra dominé le match. Donc c'est un succès qui est logique, mais voilà, encore une fois, c'est pas de la sérénité pour le Milan AC sur ce match, qui a eu du mal à se, qui s'est pas mis à l'abri, et qui a dû attendre le dernier quart d'heure pour s'imposer. Mais là aussi, il fallait gagner pour revenir à 3 points de l'Inter. De son côté, Lecce, c'est un succès qui fait une défaite qui fait mal, puisque Lecce est désormais relégable avec cette défaite. Donc le Milan fait le job aussi avec ce but de Füllkrug qui permet donc de rester deuxième. L'Inter donc en tête 49 points, le Milan donc on l'a dit 46, Naples 3 points de retard derrière 43. La Roma donc passe devant la Juve donc 4e avec 42 points, la Juve chute à la 5e place 39 points. Voilà, ça fait mal là, maintenant il y a un petit écart pour la Juve. Côme est 6e 34 points. La Lazio est seulement 9e avec 28 points et qui pour l'instant en plus est en train de perdre, donc ça s'arrange pas pour la Lazio. Et puis on a dit en bas, Lecce, Pise et Hellas Vérone sont pour le moment relégables dans cette Serie A. On peut aller un petit peu plus loin maintenant avec ce qui nous attend sur la journée suivante, sur ces matchs qui vont arriver. Ce sera la 22e journée. On a un Juve-Naples, bien sûr, déjà, entre autres. Déjà Juve-Naples, ouais, bien sûr, le 5e contre le 3e, donc dans la course au podium, à l'Europe, pour Naples, voire encore au titre. Oui. Même si c'est peut-être compliqué encore, parce que l'Inter, je pense, et Milan vont peut-être tenir la bourre un peu plus. Ils sont un peu plus réguliers peut-être que Naples, mais Naples peut encore y croire, bien sûr. Mais en tout cas, avant tout, dans la course à la Ligue des Champions et puis au podium, ouais, c'est Juve Naples, bien sûr, on peut le cocher. Et puis haute, oui, grosse affiche, c'est la Roma qui reçoit Milan. Ouais. Roma 4e et Milan 2e, même chose, hein, la course au podium, voire au titre. Donc ouais, deux gros matchs, de belles affiches qui nous attendent en Italie ce week-end. Ouais. Ouais, dimanche, donc 18h pour la Juve, c'est Naples, et puis 20h45 pour la Roma, Milan. Voilà, pour les, et puis l'Inter recevra Pise notamment. Très bien. Tiens, un résultat aussi, c'était mardi dernier, c'était un match de Coupe d'Italie. C'est le Torino qui s'est qualifié en battant la Roma 3-2. Avec du suspense des buts, donc c'est le Torino qui s'en sort finalement et qui rejoint donc la Lazio, vainqueur du Milan, et de Bologne, vainqueur de Parme. C'était début décembre, hein, donc ce sont des huitièmes de finale qui s'étirent. Il y avait aussi donc la Juve qui s'est qualifiée, Bergame, Naples, l'Inter. Voilà, probablement les grosses sont qualifiées. La Roma a chuté. Donc voilà, il reste encore un match. Ce sera mardi prochain, Fiorentina-Côme, et des huitièmes qui se seront tirés sur 2 mois quand même. Hein. C'est assez rare, mais pourquoi pas. Et on a déjà les affiches, 2 affiches connues, 3 même. Inter Torino, Atalanta Bergame Juve, Bologne Lazio, et puis il nous restera une affiche qui sera soit Fiorentina, soit Côme face au dernier qualifié. Donc qui sera, c'est, je sais même pas qui je n'ai pas cité, dans c'est Bologne, voilà, qui affrontera l'un de ses vainqueurs. Voilà, donc les matchs auront lieu début février pour ces quarts de finale. Alors, en tout cas, la semaine prochaine, dernier match. Allez, d'ailleurs, Bologne qui a, pour revenir juste sur le championnat de ce week-end, sur la journée de qui s'est passé ce week-end, Bologne qui a perdu contre la Fiorentina qui a encore gagné. Et qui sort de la zone rouge. Oui, d'ailleurs, oui, effectivement, ouais. Oui, oui. 3e victoire de la saison pour la Fio en championnat. Ouais, Bologne, il reste 8e, il reste un peu bloqué, ouais. Dans ce ventre mou du championnat. On file en Espagne pour cette 20e journée donc de Liga. 20e journée avec d'abord samedi, c'était le retour notamment de Kylian Mbappé après sa blessure, buteur pour son retour, et qui notamment a aidé son équipe à gagner 2-0 face à Levante. Mais pas facilement, pas facilement quand même. Non, justement, ouais, un Real, j'allais le dire, encore malade. Et puis orphelin, forcément, Xabi Alonso aussi, qui a remporté une petite victoire face au promu et actuel relégable Levante. Tu l'as dit, 2-0. Il y a toujours un vrai problème, en vrai, hein, dans cette équipe madrilène que même Arbeloa, qui a pris la succession d'Alonso, ne peut résoudre après notamment la déroute et l'élimination. Hein, où on l'a peut-être tous suivi, je pense, en Coupe du Roi contre Albacete la semaine dernière, actuel relégable en D2 en plus Albacete, hein, c'est ça le pire en fait. C'est que ça pourrait être un club de D2 qui est tout proche de la montée et qui donc pourrait avoir un semblant de niveau de la Liga. Et en plus, non, Albacete, c'est vraiment un relégable qui est en D2. Je rappelle un défaite 3-2 du Real la semaine dernière contre Albacete en Coupe du Roi. Voilà, pour revenir sur ce match, donc ouais, les problèmes, on les a encore vus malgré la victoire. Des problèmes notamment individuels avec les Vinicius, les Bellingham qui sont quand même encore méconnaissables. Et qui n'ont vraiment pas retrouvé leur très haut niveau, leur prime même, comme on dit. Voilà, pour revenir vraiment sur la physionomie et sur le match, Ousmane s'est montré terne, a même été sifflé par son public en rentrant au vestiaire à la pause à 0-0. Vinicius, hein, sur toutes ses touches de balles et toutes ses portées de balles, il a été sifflé par une partie du public du Bernabeu. Notamment bien sûr pour ses performances récentes qui sont vraiment en deçà de ce qu'il a pu nous habituer il y a encore quelques temps, et puis aussi par rapport ça, il y avait déjà une partie du public qui le sifflait depuis qu'il y avait eu les rumeurs la saison dernière d'un potentiel départ en Arabie Saoudite. Enfin voilà, il y a toutes ces raisons là qui fait que il y a encore une fracture avec une partie du public pour le Brésilien. Donc voilà, dans ce match là faudra attendre un penalty provoqué et transformé par Mbappé en seconde période. Encore un Mbappé encore un peu diminué, hein, tu disais, il revenait, mais voilà, il est encore diminué, on le sent comme ça. Et pourtant, le Real souhaite le faire jouer logiquement en Ligue des Champions, même contre Monaco cette semaine. Donc on risque de le voir débuter une nouvelle fois, Mbappé. Donc voilà, 1-0 pour le Real après ce penalty de Kylian. Voilà, enfin, le Real qui prend l'avantage, et moins de 10 minutes plus tard, c'est Asensio. Sur une grosse tête pour le coup, une belle tête sur un corner tiré par Güler, qui va marquer le 2-0 pour les madrilènes. Mais voilà, honnêtement, au-delà des 3 points, il y a vraiment pas grand chose de plus à retenir de la performance des Meringuais sur ce match contre l'Evante. Ça c'était donc samedi, cette victoire donc 2-0, avant donc de recevoir Monaco demain. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc est-ce que pour Monaco c'est pas le moment de jouer ce Real? Même si pour Monaco c'est pas mieux, hein, loin de là. Bah c'est ça en fait, c'est que j'ai envie de te dire côté Monaco, et que c'est dans cette saison extrêmement j'allais dire en dents de scie, mais au final non, là c'est plus de la dents de scie. C'est plus de la dents de scie, là. C'est la scie entière là. Là exactement, ouais, c'est la scie entière de fou. Ah non, Monaco là c'est non, il y a vraiment trop de problèmes aussi, il y a trop d'absents, il y a pas vraiment de cohérence, mais ça voilà, c'est plus le mercato de l'été dernier aussi, ou même sur le mercato, il y avait pas vraiment de logique. Non, Monaco, là, alors je dis pas que c'est impossible, mais je me demande si Monaco part pas d'un petit peu trop loin quand même cette saison pour espérer quelque chose, parce que même si j'ai parlé des individualités comme Vinicius, Bellingham, même Mbappé qui est un petit peu diminué encore, mais malgré ça, ces joueurs-là sont largement au-dessus du lot et largement au-dessus de n'importe quelle individualité de Monaco. Donc honnêtement, je le souhaite, hein, bien sûr, de tout cœur que Monaco puisse faire l'exploit d'aller remporter les 3 points, bien sûr, à Bernabeu, mais franchement, je mettrais pas une pièce dessus. Malgré la méforme, enfin, la méforme et le contexte sportif, c'est même un peu extra sportif du Real en ce moment, je mettrais pas une pièce sur l'ASM, mais bien sûr, je serai derrière eux demain soir, bien évidemment. On suivra ça, en tout cas. L'Atlético Madrid, qui jouait hier, s'impose 1-0. La plus petite démarche face à l'AS, mais ça permet de suivre le rythme de Villarreal qui est juste devant qui a un match de moins, Villarreal. Et qui a un match de moins, et qui a perdu au Betis Séville donc samedi, donc 2-0. Mais du coup, ça leur permet de, pour l'instant, provisoirement, de rejoindre le Villarreal à 41 points. Ouais, bah, un peu comme le rival, l'ennemi du Real, l'Atlético. Voilà, on va retenir surtout, oui, la victoire, les 3 points, et donc tu l'as dit, le fait de rester dans la course, bien sûr, au podium. Alors même si l'Atlético, voilà, sur son match, c'est un peu plus, pour le coup, c'est un peu plus beau à voir jouer, c'est un peu plus sympa à suivre plutôt que le Real, parce que l'Atlético a quand même proposé pas mal de choses dans ce match-là, a dominé globalement à la baisse, malgré cette victoire sur le plus petit des scores des Colchoneros, parce qu'ils ont eu des occasions franches, hein, vraiment, ils ont globalement surdominé l'adversaire de manière très logique sur l'ensemble de ce match. Et il a fallu attendre le but du Norvégien de Sorloth à la 48e, hein, qui va marquer le seul but donc de cette rencontre pour donner cette victoire, je l'ai dit, à l'Atlético Madrid, mais il y a eu pas mal de loupés aussi sur ce match-là. Donc voilà, c'est des choses à corriger vraiment côté Atlético, parce que là on retrouve un petit peu les victoires un peu classiques de l'Atlético qu'on voyait encore il y a quelques temps, il y a quelques saisons, les purs 1-0, mais je pense qu'ils auraient quand même pu mériter mieux. Mais voilà, ils ont vraiment pêché dans la finition, et ils sont aussi tombés, faut le dire quand même aussi, sur un bon gardien d'Alavés qui a su faire les arrêts aussi, hein, le gardien espagnol Sibera qui a fait quelques parades aussi. Donc voilà, on peut aussi le féliciter pour ça, mais je l'ai dit, l'Atlético, c'est le plus important, c'est les 3 points pour pas être largué forcément sur cette 3e place avec Villarreal qui, je le répète, ouais, un match de retard pour l'instant. Et puis bah, hier soir c'était un peu la surprise, le Barça qui restait sur une grosse série de succès, bien chute la Real Sociedad 2-1, et du coup voit le Real recoller à 1 point. Ouais, match très très animé entre la Real Sociedad et le Barça, avec déjà pas moins de 3 buts refusés en première période, même en début de match. Hein, la Real qui avait ouvert le score au bout de 25 secondes de jeu, mais au final il y avait hors-jeu. Ensuite c'est Fermín López qui pense ouvrir le score pour le Barça, mais la VAR va annuler le but pour une faute de Dani Olmo à la 8e minute. Donc sur la récupération de balle, il y avait faute de Olmo. Ensuite c'est Yamal qui pense marquer à la 27e, mais un hors-jeu est aussi signalé. Et c'est enfin et finalement... la 4e fois que c'est la bonne dans ce match, c'est finalement à la 32e minute que Oyarzabal va marquer d'une magnifique reprise de volée second poteau sur un centre, le 1-0 pour la Real Sociedad, qui est la seconde période, hein, qui va repartir sur les mêmes bases, hein, avec beaucoup d'intensité et deux grosses actions manquées par Dani Olmo, hein, qui a été quand même vraiment présent sur ce match-là côté Barça, en touchant le poteau par 2 fois, hein, et la 2e fois c'est détourné par le gardien, mais sur le poteau aussi, et à force de pousser avec un montant encore qui va être trouvé par le Barça, et bah, les Catalans qui vont enfin égaliser à la 70e grâce à une tête de l'Anglais Marcus Rashford. Mais la joie va être de très courte durée, puisque l'ancien Parisien Gonçalo Guedes, on se rappelle, le Portugais, va marquer le but du 2-1 pour la Real Sociedad juste une minute plus tard. Et en fin de match, Barcelone qui va une nouvelle fois trouver la barre transversale. Et c'est un autre Parisien qui va faire parler de lui, hein, dans ce match pour un petit fait de jeu. C'est un carton rouge pour Carlos Soler. J'avais complètement oublié. Ouais, logique, ouais. Obligé joueur, et voilà, qui en plus n'a pas fait un grand match là-dessus, puis a pris ce carton rouge en fin de match, coupable d'un tacle, je sais pas si tu l'as vu, mais ouais. Très appuyé, très dangereux sur le Pedri, pied, ouais. Et même la cheville de Pedri, ouais, il a pu se blesser, ouais. Et ben, ça va que Pedri est relativement non seulement athlétique mais assez souple aussi, même au niveau de sa cheville, parce que la cheville, elle a vraiment fait un sale mouvement, et ça aurait pu être grave, mais au final il a pu se relever directement et reprendre la partie comme si de rien n'était, mais ça aurait pu être bien plus grave. Donc carton rouge forcément mérité globalement pour Carlos Soler. Donc voilà, ouais, tu l'as dit, surprise, hein, c'est la surprise de la journée en Espagne, victoire 2-1 de la Real Sociedad face au Barça, et voilà, Barça qui donc est effréné après 11 victoires d'affilée, hein, toutes compétitions confondues, et voit donc le Real Madrid, hein, on en a parlé juste avant, se rapprocher au classement avec seulement 1 point d'intervalle. C'est ça. Le Barça, de son côté, donc en Ligue des Champions, ira au Slavia Prague. Ce sera mercredi. Ça devrait le faire. Oui, ça devrait bien se passer. Et puis l'Atlético, de son côté, sera compliqué. Ce sera Galatasaray, toujours compliqué à jouer là-bas, en Turquie. Mais ce sera donc également mercredi soir. Le classement, donc tu l'as dit. Donc le... Je ne sais pas si Osimhen sera revenu aussi pour Galatasaray. Parce que pendant la CAN, ça a été une perte importante pour Galatasaray. Mais effectivement, ça va être un match très intéressant, hein, pour tous nos amis turcs, ou même pour nos amis supporters de l'Atlético. Ça peut être un match très intéressant. On rappelle Galatasaray qui avait battu quand même Liverpool avant que ce soit vraiment la crise à Liverpool, hein, donc ça va être un match intéressant, ouais. Je pense, t'as raison de le dire. Est-ce que il est rentré, donc est-ce qu'il va jouer, et quand est-ce que Nigeria a perdu déjà, c'était la semaine dernière en demi-finale, ouais, ils ont joué à la 3e place aussi là, oui. Samedi. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais cette 3e place. Oui, il y a eu la 3e place, la petite finale. Oui. Je ne sais pas si ce sera peut-être rentré, mais je ne sais pas si ce sera apte à reprendre directement là, un match de Ligue des Champions. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, pour Galatasaray, notamment en championnat, c'était pas simple de pallier son absence. Alors, le Barça, on l'a dit, 49 points, le Real 48. En tout cas, un vrai fossé, un Villarreal Atlético 41. À nouveau, un autre fossé avec l'Espagnol Barcelone 5e, 34. Et puis après, c'est donc en bas, l'Aves est 18e, 19 points, l'Evente 19e, 14 points, Oviedo, le promu, bah, qui va certainement faire un aller-retour, dernier avec 13 points. Voilà pour le classement. On l'a dit, enfin, on a un peu évoqué tout à l'heure la Coupe du Roi, donc bah, la surprise, on l'a dit, hein, c'est cette défaite du Real face à cette équipe cette équipe donc de Albacete, c'est ça, hein, 3-2. Donc la surprise d'élimination du Real dès les huitièmes, hein, c'est une vraie surprise. Atlético a eu du mal, mais s'est qualifié face à la Cologne 1-0. Qualification du Barça face à Santander 2-0. Donc voilà, Valence est passé, le Betis, Alavés, Real Sociedad, Bilbao, assez logique. Les quarts de finale, ce sera les 3 et 4 février, et 5, ce sera cette semaine-là en tout cas. Alavés, Real Sociedad, Betis, Séville, Atlético Madrid, Albacete, Barça. Est-ce que Albacete va faire deux exploits? Il faudra battre le Barça maintenant. Et puis Valence, Bilbao. Voilà, pour ces quarts de finale. On n'en a pas parlé, mais le week-end à venir, déplacement du Real à Villarreal, ce sera une belle affiche, hein, à Villarreal qui pourrait revenir à 3 points en cas de victoire, donc ce sera une belle affiche. Barça recevra la lanterne au Joviedo, l'occasion de se relancer. Platico recevra Mallorca, voilà, aussi assez mal classé, donc ce sera donc ce week-end. Voilà pour nos affiches. Allez, on file en Angleterre. Il reste une grosse demi-heure, on va essayer de faire vite sur ce championnat anglais. On a déjà un premier choc, c'était le duel de Manchester United face à City. Et c'est United qui s'en sort avec sa victoire 2-0 et qui fait une belle opération au comptable, qui revient cinquième. Ouais, carrément. Ouais. Petite surprise, même si United effectivement est sur une bonne dynamique aussi. Recommence, alors peut-être pas à jouer les premiers rôles non plus de la première ligue, mais voilà, plutôt bien classé dans une période où depuis quelques années on était plutôt habitué à voir United plus côté des 7, 8, 9, 10e place. Donc là, voilà, les revoir dans le top 5, ça fait aussi plaisir, hein, pour même si c'est pas forcément une préférence entre United et City, mais en tant que fan de foot, on a tous, enfin pour les plus anciens, si j'ose dire, pour les plus de 18 ans aujourd'hui, on a connu un peu United quand même quand il était encore bon. Donc ouais, c'est une bonne chose de voir United revenir bien dans cette première ligue et cette saison. Et effectivement, ils ont mené une belle bataille dans ce derby de Manchester ce week-end en gagnant 2-0 contre l'adversaire, contre le rival Citizen, avec une prestation collective vraiment de haut niveau, hein, très très forte des Mancuniens, un plan de jeu très bien établi avec comme sans ballon d'ailleurs. Et voilà, les Citizens qui n'ont pas su trouver la faille, hein, parce qu'ils ont aussi eu leurs occasions, hein, les Citizens, même avec Haaland, même Jérémy Doku, mais qui a aussi pêché dans le dernier geste, les entrées de Cherki, d'O'Reilly ou encore Reinders n'ont pas servi. Pourtant Reinders c'est un peu le buteur fou de City ces derniers temps, mais ça n'a pas suffi. United s'est logiquement imposé quand même avec ces buts de Brian Mbeumo à la 64e et de Dorgu à la 76e, donc c'est une victoire effectivement méritée, on l'a dit, pour United, même si City aurait pu mériter un peu mieux dans ce match, mais globalement United a fait le taf et c'est un très très bon résultat, tu le disais, pour eux comptablement au classement. Et ouverture du score de Guingamp sur la pause de Nancy, 1-0. Tout à fait, bah du coup j'avais le nez dans mes notes, donc effectivement, ouais, tout à fait. En troisième minute. Ouais, c'est ça. Combe aussi a marqué son troisième but, donc ça semble bien parti face à la Lazio. Mi-temps en Angleterre, Brighton Bournemouth 1-0. Toujours pour Bournemouth, c'est Elche Séville, ça vient de reprendre, Elche 1-0. C'est fini aussi pour le Hand, la France donc s'impose. Logiquement toujours c'est 4 points, donc c'est 4 buts, 38-34, victoire. La France termine donc à la première place de ce groupe de cet euro et qui on le verra va poursuivre l'aventure au tour principal désormais, on en parlera tout à l'heure lors de l'agenda. On poursuit avec le débrief en Angleterre, c'était Liverpool ensuite qui est entré en piste face à Burnley, avant ça City pardon, oui on a j'ai oublié d'en parler, sur sa la suite de son calendrier qui jouera donc demain face à Bodo Glimt en déplacement. Voilà, un déplacement périlleux et ce sera à 18h45. Voilà, ce sera un match qui sera joué un peu plus tôt. Et en ce qui concerne United, ne jouera rien puisque United n'est pas européen. On ouais. Le rappelle. On continue donc avec Liverpool qui donc recevait pour le compte de cette journée et qui voilà, qui avant de recevoir Marseille a déçu et n'a pas réussi à s'imposer. Un partout. Ouais, ben franchement, ils peuvent en avoir des regrets parce que dominer de cette façon-là, enfin un match, c'est, alors, je veux pas dire que c'est rare, mais ils ont vraiment ultra dominé ce match. Ils ont eu le ballon tout le long du match, ils ont tiré au but tiens-toi bien, 32 fois dans ce match-là, et pourtant, il ne gagne pas, tu l'as dit, nul entre Liverpool et Burnley, un partout. Il y a eu notamment un penalty quand même de manqué de l'Hongrois Szoboszlai. Voilà, il y a eu une ouverture du score hein, juste avant la pause de Florian Wirtz, l'Allemand, avec un gros travail en amont de notre Français Hugo Ekitike. Et ça faisait 0 pour Liverpool à la pause, mais juste après l'heure de jeu, c'est Edwards pour Burnley qui va venir égaliser. Et puis Liverpool ouais, va pas réussir à concrétiser cette domination. Et Burnley aurait été vraiment très efficace. Hein, en 3 occasions, c'est 7 tirs et un tir cadré et un but. Hein, donc voilà, Burnley qui a fait un petit peu le braquage du week-end, même si c'est pas une victoire, mais franchement, revenir avec un point de ce déplacement à Anfield, c'est assez miraculeux, mais Liverpool peut aussi s'en prendre. Enfin, peut même s'en prendre quand même de ne pas rapporter les 3 points sur ce match-là. Voilà. Après, ça peut installer des doutes et je te cache pas que moi, ça me rend bien service s'ils peuvent arriver avec des doutes au Vélodrome mercredi soir. Oui, c'est clair. Mercredi, ouais. En tout cas, mercredi, ouais, Marseille-Liverpool. Ouais. Liverpool reste 4e, mais voilà, perd du terrain sur ses poursuivants. Chelsea aussi qui suit le rythme de United, hein, toujours un point d'écart entre les deux, qui s'impose face à Brentford. 2-0. Voilà. C'est la première de Rosenior, hein, l'ancien coach de Strasbourg d'ailleurs. Oui. En PL, en première ligue. Exactement. Ouais. Pour Chelsea, ça voilà, le score. Ils ont pas brillé pour le coup. Non, c'est ça le score. En fait, pas forcément le match. Ils ont gagné, mais c'était pas extraordinaire. Ouais, tout à fait. Mais victoire importante quand même. Mais victoire, ouais. Pour rester au contact de Liverpool et d'United, ouais. C'est ça. Mais ouais, la victoire de United a fait mal aussi à Chelsea quand même, forcément. Oui, exactement. Ouais. Et puis Arsenal, qui profite pas de cette défaite de City et d'Aston Villa aussi, puisque Aston Villa qui est troisième hein, et qui n'a pas profité non plus de la défaite de City qui a perdu face à Everton 1-0. Voilà, ils n'ont pas profité, mais Arsenal non plus. Tout le monde a perdu en haut. Personne n'a gagné plutôt. C'était face à Nottingham Forest, en plus un mal classé. Et c'est dommage de ne pas creuser encore un peu plus l'écart hein, pour Arsenal. Bah, c'est ça, parce que là, à l'heure où on se parle, bon, ils ont quand même 7 points d'avance sur City et Villa, mais c'est vrai qu'avec une victoire, ils auraient pu en avoir 9. Donc effectivement, c'est une occasion manquée, une occasion même rêvée de vraiment presque aller. Peut-être mettre quelques doigts peut-être déjà sur le titre, alors on va peut-être pas trop s'avancer, mais avec 9 points d'avance, sachant qu'Arsenal vraiment quand même on sent une vraie supériorité cette saison par rapport même à ses poursuivants, même à City, on aurait pu dire qu'il y avait peut-être au moins 3 doigts déjà sur les 10 de nos mains. On a peut-être déjà eu 3 doigts sur le trophée de la PL. Mais effectivement, là on a vu tu l'as dit, Forest qui est mal classé, hein, ils sont actuellement 17e au classement. Et c'est vrai que sur ce match-là, on a retrouvé un petit peu le Forest très costaud, très solide de la saison dernière en fait. Ce qu'il a fait, on le rappelle, une grosse saison. Ils sont européens cette année, Forest. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu retrouvé cette vibe-là, cette envie-là côté Nottingham. Et ce qui fait que Arsenal a été tenu en échec sur ce match-là, même si forcément ils ont dominé aussi, ils ont eu le ballon, ils ont eu des occasions. Mais pareil, trop timoré dans le dernier geste. Il y a vraiment eu un gros manque de réussite, pareil côté. Côté Gunner, c'est un petit peu la maladie des grosses équipes ce week-end, hein, pas qu'en Angleterre, on l'a vu tout à l'heure aussi, notamment en Italie, mais même en Espagne aussi. Mais ouais, Arsenal qui perd 2 points finalement sur ce match-là quand même, on peut le dire, et qui perd, ouais, on l'a dit, une belle occasion de vraiment mettre une vitesse encore plus à ses poursuivants. Arsenal ira demain à l'Inter, hein, ça sera une belle affiche Inter. Gros match, ouais, belle affiche. Et puis Chelsea, on l'a pas évoqué, mais recevra Paphos et ce sera également, non, ce sera mercredi, Chelsea, qui reçoit. Et retrouvailles donc entre David Luiz et Chelsea. Exactement. Je me rappelle, David Luiz joue à Paphos. Et oui, c'est ça. Voilà pour l'Angleterre. Le classement, donc, Arsenal est leader 50 points, City et Aston Villa sont ensuite à 43 points, Liverpool 4e 36 points, United est 5e 35 points, Chelsea grimpe à la 6e place avec 34 points, et puis donc en bas, on a dit Forest 17e, West Ham 18e 17 points, Burnley 19e 14 points, et puis Wolverhampton est dernier avec 8 points, mais a encore pris un point ce week-end. Il grappille, hein. Ah, il grappille, hein. C'est dommage pour leur corps. Bah ouais, mais est-ce qu'il... Non, faut pas rêver, mais il grappille. Ok, ouais. Bon, bah... Non, faut pas rêver, hein. Si... Non, tu veux dire quoi, pour je... Non, mais je regardais un peu plus haut, mais non. Ouais, là, c'est un peu mort, quand même. Ouais, non. La Coupe de la Ligue anglaise, c'était la semaine dernière aussi, les demi-finales allées. City, qui a pris le meilleur sur Newcastle, sur cette phase, cette match allée 2-0. C'était en demi de semaine, notamment un but de Cherki. Donc ça fait un avantage de 2 buts avant de recevoir Newcastle. Ce sera le 3 février. Et puis Arsenal aussi, c'était un beau match face à Chelsea qui a gagné 3-2. Et qui a pris un petit avantage avant de recevoir Chelsea. Donc là aussi le 4 février prochain. Voilà pour cette demi-finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, on va revenir en France. Il est déjà 22h12. Et juste un petit zoom sur les affiches en Angleterre de ce week-end. Oui, bien sûr. En championnat, il y aura un beau Arsenal Manchester United quand même. Ouais, ouais. Est-ce que United peut encore enchaîner avec un gros? C'est ça, parce que dans la forme actuelle, ils peuvent enchaîner encore avec un gros, avec Arsenal. Et puis, du coup, faudrait pas pour Arsenal parce qu'ils pourraient perdre encore de leur avance par rapport au poursuivant, parce que notamment City, qui est deuxième, City va jouer contre Wolverhampton, on l'a dit, qui est lanterne rouge et qui a gagné qu'une fois cette saison. Donc City a très probablement déjà en poche ses 3 points. Alors, on va pas parler trop vite, mais c'est quand même fort probable. Attention Arsenal de ne pas faire un faux pas ce week-end. Ouais. Il pourrait le payer. Ouais, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. En France, en national, nouvelle défaite d'Orléans. Cette fois, c'était assez large face à Fleury 3-0. Voilà, ça fait beaucoup plus que devant. Ben, ça a gagné pour Rouen notamment. Pour Dijon, donc qui s'envole, 35 points pour Rouen de premier, deuxième Dijon 33 points, Sochaux et Cagnes aussi même passe troisième devant Orléans 27, et Orléans donc est quatrième 26. Ça se complique un petit peu pour Orléans qui tentera de rebondir. Ce sera cette fois à domicile face à Sochaux vendredi à 19h30, donc face au troisième. Donc là c'est un vrai match pour la troisième place, une vraie concurrence directe, donc il faut absolument gagner. En Ligue 2, on retrouve trois toujours leaders, solide leader, trois victoires face à Reims 2-1, donc il reste en tête. Le Red Star. J'étais au stade. T'étais au stade. Hein. Ouais, tu peux nous en parler 3, alors. Trois qui a vraiment été extrêmement costaud contre Reims. Reims qui était deuxième, donc au coup d'envoi, donc c'était vraiment le premier contre le deuxième. Qui a marqué vite dans ce match à la 13e grâce à Mathis de Tourbet, l'enfant du pays, c'est un pur Troyen. 1-0, il a fait un gros match, de Tourbet énorme. Il va avoir un fait de jeu quand même important, c'est que 3 va prendre un carton rouge à la 43e minute de jeu, va marquer le 2-0 quand même juste avant la pause à la 45e plus 3 grâce à Ifnaoui. Et en seconde période, donc jouer à 10 contre 11 tout le reste du match, toute la seconde période, donc presque en tout pendant une heure. Et pourtant, honnêtement, ça s'est absolument pas vu que 3 était en infériorité numérique. Tant ils sont costauds, tant au milieu de terrain, c'était incroyable. Hein, la paire Mille et Martin Aline, c'était vraiment extrêmement costaud parce que le joueur qui a été exclu, c'était Diop. Et Diop, c'est aussi un cadre important au milieu de terrain. Mais les deux qui restaient, Mille et Adeline, ont vraiment fait un gros match. En défense, c'était très costaud. Encore un très bon Konaté dans les buts. La défense centrale, la paire Monfray-Gambor, elle a été très très très forte. Renaud Ripard, qui était en neuf, bien sûr, n'a pas marqué. Il était un petit peu maladroit dans le dernier geste. Mais pour le coup, il a un vrai rôle de point d'appui. Et il a été encore exceptionnel. Il a été franchement applaudi à sa sortie. Il a été remplacé, donc globalement un gros match de 3 qui a quand même fini par craquer en toute fin de match à 90 plus 4 en prenant un but de Nakamura, mais encore une grosse victoire pour les Stars qui montre quand même, je trouve, une légère supériorité quand même par rapport même à ses poursuivants dans ce championnat Ligue 2. Ouais, et face à Reims qui est pas n'importe qui est cinquième, Reims, donc qui est un vrai candidat pour la montée. Je te dis qu'il était deuxième au coup d'envoi. Oui, Reims était deuxième. Oui, puisque derrière tout le monde a gagné. C'est dommage pour Reims d'ailleurs, puisque tout le monde a gagné. Le Red Star a gagné à Grenoble, Saint-Étienne aussi qui fait le boulot avec un résultat face à Clermont. Dunkerque aussi. Qui a gagné demi face à Pau. Donc tout le monde gagne. Donc Reims conséquence perd 3 places. Red Star à deuxième 35 points, Saint-Étienne 34, Dunkerque 33, Reims 5e 32 et Le Mans aussi qui fait la mauvaise opération en faisant un nul face à Rodez et désormais 6e. Donc voilà, c'est quand même globalement très serré quand même entre le 2e et le 6e, il y a que 3 points. Donc la concurrence va être rude et puis 3 qui est vraiment un cran au-dessus. Amiens, Laval et Bastia sont relégables donc dans cette Ligue 2. On va en Ligue 1 avec la 18e journée. On débrief ça. Alors, 2 minutes par match. Il faut s'y tenir là, qu'on reste dans les clous. Allez, on y va pour donc 2 minutes par match. On démarre avec Monaco qui recevait Lorient vendredi. Et nouvelle défaite de Monaco. Donc 3-1 en plus, encore 3 buts encaissés. Ça fait beaucoup pour Monaco qui, voilà, on pensait à une petite parenthèse Coupe de France qui s'est soldée par une qualification, même si ça a été compliqué à Orléans. Cette victoire qui est un peu en trompe-l'œil hein, quand même pour Monaco avec un 3-1 qui n'était pas forcément mérité. Et voilà, c'est eux qui ont subi un 3-1. Voilà, encore une nouvelle défaite, une série noire qui se poursuit, 4e défaite consécutive face à une équipe qui va plutôt bien pour le coup, Lorient qui va mieux et qui enchaîne des bons résultats depuis qu'on a un peu plus de 2 mois maintenant, donc c'est pas illogique et Lorient qui a été quand même globalement meilleur hein, et Monaco bah toujours compliqué, on l'a dit tout à l'heure, les blessures. Les absents, Camara qui était évidemment absent. Il manque d'idées même du coach hein, quand même. Hein. Pocognoli, il trouve pas de formule gagnante hein, malheureusement. En tout cas, on voit pas sa patte hein, depuis son arrivée. Enfin, ça fait compliqué aussi. Et Lorient qui revient qu'à un point de Monaco du coup. C'est ça. Ouais, 3-1 là, c'est compliqué. Alors, on a cru à l'égalisation de Fatih hein, qui revenait de blessure. Hein. Puis finalement, dans les dernières minutes, 2 buts encaissés de nouveau et c'est assez logique encore une fois, on sait pas jusqu'où ça va s'arrêter mais il va falloir réagir très très vite. Alors, le Real qui arrive, on l'a dit, peut-être pour se donner de l'air avec un exploit, on verra, mais il va falloir rebondir vite puisque pour l'Europe, pour la Ligue des Champions, ça semble maintenant très compliqué, mais maintenant il faut essayer de viser autre chose, mais ça devient déjà compliqué aussi hein. Et prochain match pour Monaco après donc ce match face au Real, ce sera le déplacement au Havre, qui est pas bien, mais c'est aussi le Havre qui a aussi besoin de points, donc ça sera pas simple. Chaque match sera difficile maintenant pour Monaco. Hein. Retour de Camara aussi probablement ce week-end qui peut faire du bien, qui a beaucoup joué avec le Nigeria, donc on verra si ça peut faire du bien. En tout cas, mais compliqué. Paris ensuite recevait Lille, un choc hein, au tableau. Paris qui a fait le boulot, un Dembélé des grands soirs et un Paris qu'on retrouve un peu mieux avec ce succès 3-0. Ouais, match plein des Parisiens. Franchement, tu l'as dit, avec un grand Dembélé là qu'on a vu ce week-end, ce vendredi soir, qui est auteur d'un doublé avec un super but, une superbe louche. Donc avec un petit 3-0 pour terminer en toute fin de match grâce à Barcola aussi. Je pense que ça peut lui faire du bien aussi de marquer Barcola. C'est vrai que ces derniers temps, il me décevait plutôt pas mal. Je crois que je l'avais déjà dit, notamment la semaine dernière. Une belle victoire. Lille qui s'est quand même effondré, notamment physiquement en seconde période aussi, ce qui a permis au PSG d'accroître cette supériorité sur cette rencontre. Donc belle victoire du PSG et pour Lille, ça fait quand même un peu mal cette lourde défaite, on va dire, même si forcément on sait que le PSG est largement au-dessus. Mais c'est voilà, pour les places européennes, notamment pour la course à la Ligue des Champions, c'est une défaite qui ralentit un petit peu le LOSC encore une fois. Ouais, exactement. Et puis donc Paris pour le calendrier, ce sera un déplacement au Sporting Portugal demain soir. Voilà, donc pour continuer et pour peut-être se qualifier hein, probablement ça peut le faire hein, pour Paris dès demain. Lille ira de ce côté au Celta Vigo en Ligue Europa, voilà, pour les Lillois. Lens samedi donc recevait Auxerre, l'occasion de repasser devant Paris, occasion saisie par les Lensois avec un but de Saïd et qui poursuit la belle série. Ouais, Lens qui continue de nous impressionner, tu l'as dit, qui a repris sa place de leader à Paris, qui était leader provisoire donc avec sa victoire de vendredi soir. Et oui, samedi, Lens qui a fait son match, hein, qui a dominé Auxerre, mais Auxerre a été très bien organisé avec son bloc défensif, son bloc bas. Ils ont su tenir un peu plus d'une heure les Lensois, mais tu l'as dit, Wesley Saïd qui a pu ouvrir le score et ce sera le seul but du match. C'est mérité pour Lens, bien sûr, sur l'ensemble du match, cette victoire, et il continue d'impressionner, comme j'ai dit, donc c'est Lens qui continue sur sa belle série, À voir s'ils vont privilégier toujours forcément ce championnat-là. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Il y a encore la Coupe de France aussi pour eux. Donc d'ailleurs, déplacement à l'Estac hein, pour les huitièmes de finale. Donc voilà, à voir s'ils vont jouer à fond aussi la Coupe de France, s'ils pourront se le permettre. Mais en tout cas, en championnat, ça continue de rouler. Et c'est encore un excellent résultat ouais, pour les nordistes. Ouais, qui repasse leader. Ouais. Toulouse recevait Nice. À Nice, qui, pareil, est pas un peu en perdition en Ligue 1, qui s'est un petit peu refait en Coupe de France. Ben voilà, qui vite retombe dans ses travers avec cette nouvelle défaite. Et puis cette claque-là, cette fois reçue face à Toulouse, 5-1. Ouais, le TFC est puissance 5 face à une défense niçoise encore aux abois, comme on les a pas mal vus cette année. Peut-être un peu moins en championnat, même si c'est quand même pas non plus très très impressionnant Nice en championnat. Ils sont actuellement 15e là, c'est assez à cata. Hein. Franchement, cette saison, on avait vu vraiment surtout les faiblesses quand même défensives de Nice, notamment en Coupe d'Europe. Forcément, on va pas revenir là-dessus, mais là encore une fois, c'est une catastrophe, c'est cataclysmique. Voilà, 35 buts comme ça, même si Toulouse, franchement, je trouve, est assez plaisant à avoir joué cette saison. Il se classe 8e avec cette victoire-là, avec cette très très belle victoire. Mais ouais, Nice, là, il y a vraiment la sirène, l'alarme est déjà tirée, mais là c'est une catastrophe à Nice. Voilà, on va, pour l'anecdote, citer le but de Wai qui vient d'arriver. Voilà, en espérant qu'il va continuer comme ça sur cette belle lancée pour finir cette saison-là, mais Nice, là, ça. Voilà, va falloir jouer le maintien, je pense, à fond, parce que là, j'arrive pas trop à voir comment ils vont remonter. La Coupe d'Europe, c'est forcément déjà fini pour eux, on le sait, depuis déjà pas mal de temps. Donc, mais là, voilà, la série noire est vraiment catastrophique pour les Niçois. Ouais, qui s'enfonce un peu plus, avec la 15e place désormais, seulement 4 points d'avance sur le deuxième round maintenant, ça devient inquiétant. Et puis, on finit pour samedi à Marseille en déplacement à Angers avant, donc, on a dit, de recevoir Liverpool, qui a bien préparé en tout cas cette rencontre avec ce succès 5-2. Alors, avant de recevoir Liverpool, effectivement mercredi, et Lens, le week-end prochain. Oui, il y a un beau calendrier là à venir. Ouais. Exactement, deux gros chocs, deux grosses affiches, et donc notamment en championnat la semaine prochaine, enfin ce week-end. Donc honnêtement, match plein, match un petit peu de gala pour Marseille. Hein. Ils menaient très vite, ils ont vraiment mené 4-0 dès la 40e minute. Avec des buts de Gouiri à la 19e, de Greenwood à la 24e, d'Ahmed Junior Traoré à la 34e et Timothy Weah à la 40e, ça faisait 4-0. Ils prennent un but anecdotique juste avant la pause sur un but de Zbaï pour Angers à la 45e plus 2, ça fait 4-1 à la mi-temps. Et puis le rythme va un petit peu redescendre en seconde période, forcément Marseille va plutôt gérer et va réussir à renfoncer le clou à 5-1 grâce à Igor Peixão, le Brésilien à la 88e. Et puis bon voilà, un nouveau but anecdotique pour Angers, même chose dans les arrêts de jeu d'Alevina. Voilà, deux buts qui auraient pu être évitables pour l'OM pour essayer d'avoir un beau score aussi en championnat, d'accroître, d'embellir, on va dire, son goal average, qui est le deuxième meilleur en championnat derrière le PSG. Mais en tout cas, c'est une belle victoire pour l'OM qui a quand même pris pas mal de retard malheureusement sur le PSG, sur Lens, mais ça reste une victoire forcément très importante. Mais il va plus falloir, s'ils veulent essayer de viser encore plus haut, même si, je l'ai dit, il y a eu du retard, hein, il y a 7 points de retard sur Paris et 8 sur Lens, mais justement, ils n'ont plus le droit à l'erreur, et en tout cas, ce week-end, ils ont fait plaisir à leurs supporters, l'OM. Hier, on avait Strasbourg qui recevait Metz d'abord, Strasbourg qui s'impose 2-1, qui grappille là aussi des points pour essayer de rester au contact pour l'Europe, et puis Metz, de ce côté, s'enfonce un peu plus avec une nouvelle défaite. Ouais, victoire logique, même si le score est assez serré, 2-1 pour Strasbourg, mais victoire logique des Alsaciens, avec une version du score qui arrivait tôt de Diego Moreira à la 12e, et puis Gauthier-Hein pour Metz qui va égaliser aussi rapidement sur pénalty à la 24e minute. Metz, voilà, qui aurait été quand même vraiment en dessous des Strasbourgeois dans ce pseudo-derby de l'Est, comme il l'appelle, mais les Strasbourg auraient été au-dessus, ils ont marqué le deuxième but juste avant la pause grâce à Godot à la 43e. Est-ce qu'il y a eu quelques petites fulgurances quand même en seconde période? Ils auraient pu croire à l'égalisation à un moment donné, mais ils ont été un petit peu trop tendres dans ce match, surtout en seconde période, effectivement, où peut-être le physique a un peu pêché, l'impact physique a un peu pêché, mais Strasbourg, ça fait du bien de retrouver aussi cette sérénité-là, cette victoire aussi, parce que, même chose, ils ont pris quand même pas mal de retard sur des défaites qui auraient pu être évitables en championnat cette saison. Voilà, donc c'est une belle victoire pour Strasbourg. Il va falloir s'appuyer, même si Metz, je l'ai dit, est un adversaire qui a été assez faible. Donc mais il faut enchaîner sur ce ce potentiel début de bonne série pour eux en championnat et essayer de pouvoir regrappiller des points pour aller chercher une Coupe d'Europe encore une fois pour la saison prochaine. 3-0 désormais pour Guingamp hein, à Nancy. C'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de l'évoquer, mais 3-0 désormais. 3-0 aussi pour Com face à Lazio, 1-0 Bornemousse toujours, et l'Elche mène 2-0 maintenant face à Séville. Nantes qui recevait le Paris FC, le mal classé, c'est Paris FC qui fait la très belle opération de corps en s'imposant et qui laisse Nantes en zone rouge et en mauvaise position, mauvaise posture. Ouais, le PFC qui retrouve enfin le chemin de la victoire, j'ai envie de dire, en championnat. Après, déjà leur miracle, enfin leur oui, on voit c'est un miracle, hein, je pense, l'élimination du PSG en Coupe de France. Oui. Voilà, donc peut-être que ça les a motivés, en tout cas ça les a lancés sur une nouvelle dynamique positive. Et PFC, oui, qui a ouvert le score à Nantes très vite dans cette rencontre à la 6e grâce à Kebal. Et puis voilà, ils ont essayé de gérer un petit peu cette première période où ils avaient plutôt le ballon, mais en seconde période, notamment au début, ils vont se faire peur et Nantes va se rebiffer et égaliser assez tôt à la 50e grâce à Mathis Sabine, un partout, et c'est en fin de match à la 78e que le PFC va reprendre les devants 2-1 grâce à un but de Coléocho et qui va emmener donc le PFC enfin, je l'ai dit, oui, sur une première victoire en championnat depuis 6 matchs, et ça donne de l'air forcément. Par rapport à la zone rouge, hein, ils sont à 5 points devant le barragiste qui est le FC Nantes, justement. Rennes-Le Havre, ensuite, le seul match nul de cette journée, un partout, qui arrange personne, évidemment. Rennes qui aurait pu passer devant Lille, qui avait chuté. Et puis pour Le Havre, c'est pareil, ça ne les arrange pas, qui aurait pu s'éloigner un peu de cette zone rouge. Donc un match qui n'arrange personne, mais en tout cas, un match nul, un partout. Ouais, Rennes qui peut, je pense, avoir des regrets de ne pas repartir avec les 3 points sur ce match, parce qu'ils ont dominé les Havrais sur l'ensemble de la rencontre, même si Le Havre a eu 2-3 périodes de temps fort, notamment l'ouverture du score à la 69e de Mandimbi. Mais Rennes a dominé et a dû attendre la toute fin de match. Hein, il y a un but de Brelembolo pour égaliser un partout à la 86e, même si ouais, Rennes... Qui marche bien en aparté, qui marche pas mal du coup avec Rennes depuis qu'il est acquis. Ouais, c'est vrai qu'il a trouvé ses marques. Bonne coche, ouais, dans cette équipe rennaise, honnêtement, c'est vrai qu'il a marqué pas mal de buts, notamment dernièrement. Mais ouais, pour revenir sur le match, Rennes, oui, tu aurais pu espérer les 3 points sur cette rencontre-là, je l'ai dit, parce qu'ils l'ont dominé et ils sont aussi vus refuser deux buts, logiquement, bien sûr, hein, mais c'est vrai que voilà, ils peuvent avoir des regrets, je pense, d'avoir un petit coup de frein sur ce match-là, parce qu'ils auraient pu passer devant le LOSC au classement avec une victoire. Donc c'est vrai que c'est une mauvaise opération pour le Stade Rennais. Et puis Lyon, Lyon qui profite de la défaite de Lille avec ce succès face à Brest 2-1, et qui du coup prend la 4e place désormais, à 2 points de Marseille, du podium. Ouais, exactement. Lyon qui méritait aussi cette victoire, qui a dompté tranquillement les Brestois, même si ils se sont fait peur en fin de match, parce que Lyon menait donc 2-0 avec deux buts juste avant la pause, hein, de Soultz et de Abner Vinicius, 41e et 45e plus 2, donc il y avait déjà 2-0 à la pause, et puis c'est un petit peu plus endormi en deuxième période, mais Dina Ebimbe, l'ancien parisien, va réduire la marque pour Brest 2-1 à la 87e, et Brest va vraiment pousser dans les dernières minutes, et Lyon s'est fait peur malgré sa supériorité numérique en seconde 10 pendant quasiment tout le match, puisque Romain Del Castillo avait pris un rouge côté brestois dès la 19e minute. Donc Lyon a failli perdre 2 points sur ce match, mais ils ont pu tenir jusqu'à la dernière seconde et réintégrer le top 4, les Lyonnais, et donc une potentielle place en Ligue des Champions pour l'instant, en tout cas, évidemment, on est encore loin de la fin de saison. Mais ils réintègrent le top 4, donc c'est quand même forcément une bonne opération, une belle victoire pour les Lyonnais. Le classement, avant d'enchaîner avec les pronostics, Lens, donc toujours leader 43 points, le Paris Saint-Germain 2e 42 points, Marseille 3e 35 points. Le seul changement. Carton rouge pour Guingamp, Guingamp. Ouais. Alors, il y a déjà 3-0, hein, tu l'as dit. Ça devrait bien se passer, ouais. On joue la 87e, mais carton rouge pour Jérémy Matoumona côté Guingamp. Le seul changement de place de position dans le classement, dans le top 10, c'est Lyon qui passe en 4e avec 33 points, Lille qui suit 5e 32 points, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Monaco 9e 23 points, et puis en bas, on a dit, hein, Paris FC est 13e désormais 19 points, Le Havre, Nice, Nantes, avec 14 points, Auxerre 12 points et Metz 12 points. Il n'y a personne qui est vraiment décroché complètement. Voilà pour la Ligue 1. Un mot très rapide, donc on a un tout petit peu évoqué avec la défaite de, tu l'as dit, du PSG face au Paris FC en Coupe de France, mais voilà, quelques points, quelques rencontres, quelques qualifications. Maintenant, il manquait que Marseille en fait qui n'avait pas joué, hein, c'est ça, qui jouait mardi. Ouais. Donc donc en déplacement à Bayeux, donc voilà, victoire 9-0, très logique, on l'a dit. Encore une fois, ils se sont amusés. C'était une rencontre assez sympa. Et donc voilà, les huitièmes de finale, on a dit, Marseille recevra Rennes du coup, hein, le 3 février prochain. Ce sera l'une des affiches de cette rencontre, de ce tour de Coupe de France, 3 février. On aura Strasbourg-Monaco comme duel de Ligue 1. Également, c'est Nice, Nice-Montpellier, ben non, c'est à peu près tout, hein, en affiche Ligue 1, Marseille-Rennes, et puis le dernier match Strasbourg-Monaco, le 5. Voilà pour, et pour l'instant, on parle de la Coupe de France, on ne connaît pas encore le lieu, la date de la finale de la Coupe de France, hein. Voilà. Normalement, c'est le 23 mai, mais pas encore acté et pas encore de lieu. Voilà pour ça. Les pronostics avant de clôturer 22h33. Eh bien, victoire de Hugo 6-5. Bravo. C'est tout ce qui te fait gagner, parce que sinon on avait tout pareil. Ah ouais. Ouais. Ah, on avait tout pareil. On avait les mêmes points en tout cas. Ah oui. Oui, mais après on avait que deux résultats différents, donc il y a de grandes chances, ouais. Et j'avais mis nul, moi j'ai espéré un nul, mais en y réfléchissant bien, c'était une erreur, mais bon. C'est comme ça. Allez, on pronostique la 19e journée tout de suite avec d'abord ça démarre vendredi et c'est donc Auxerre qui va recevoir Paris Saint-Germain. Auxerre, donc on a dit 17e, Paris 2e, et match sera à 20h. Ce sera pas 20h45, 20h cette fois. Moi, je mets Paris, bien entendu. Alors, tu dis bien entendu, Auxerre à domicile, ça peut être chiant. Paris, si Paris, des fois, joue un peu en levant le pied. Donc, tu sais, des fois, un nul, ça peut se passer. Mais comme je suis toujours dans l'optique de vouloir me refaire et de gagner, évidemment, cette saison de pronos, je vais pas faire le fou sur un match du PSG, donc je vais mettre Paris, je vais te suivre, bien sûr. Samedi 17h, Rennes-Lorient. Rennes 6e, Lorient 12e. Moi je vais mettre les Rennais à domicile. Ouais, je pense aussi. Alors, même si Lorient est sur une bonne dynamique quand même, 5 matchs sans défaite. Ouais, oui, même de battre Monaco. Bon. Ouais. Pourquoi pas. Un match nul serait pas forcément déconnant. Ah, j'avoue qu'au Roazhon Park en vrai. Ouais, je vais mettre Rennes aussi. Je vais pas être original, mais je vais mettre Rennes aussi. Ouais. Ensuite on a Le Havre-Monaco, Le Havre 14e, Monaco et seulement 9e, c'est à 19h, à 19h. Et Monaco joue demain face au Real. Il y a combien de points d'écart au classement entre Le Havre et Monaco? Quand même, il n'y a que 4 finalement, il n'y a que 4. C'est pas énorme. Bah oui, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, Lorient qui a gagné contre Monaco, ils sont 12e, mais ils n'ont qu'un point d'écart avec Monaco. Il y a 3 places de différence, mais il n'y a qu'un point, donc oui. Le Havre et Monaco, c'est pas fini. Monaco joue le maintien maintenant. Ouais, c'est pas... Presque ça. Moi, je vais mettre Monaco quand même, là, il faut gagner. Après, il y a le Real qui se profile demain, mais... Ouais. Plus le choix. Est-ce que... Je peux le mettre de côté et on en revient vite fait à la fin? Allez. Marseille-Lens, 21h05. Belle affiche. Je vais mettre un nul, moi. Je vais pas être très original, mais... Je sais pas quoi mettre là-dessus. Mais Marseille qui joue mercredi. Ah oui. Et Liverpool. Oui. Lens ne joue pas cette semaine. Donc, Tout à fait. On va toujours dire qu'on a l'avantage de jouer, que l'OM a l'avantage de jouer à domicile quand même. C'est deux matchs là aussi, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de déplacement, je veux dire aussi en Angleterre cette semaine. Oui. Même si physiquement, forcément, je pense que ça laissera des traces, ce match contre Liverpool. Je suis obligé, je vais mettre l'OM, j'y crois. Voilà. Je vais mettre l'OM. Dimanche, on attaque le match de dimanche, Nantes-Nice à 15h. Nantes 16e, Nice 15e. Là, c'est vraiment le match de la mort. Je vais mettre Nantes, moi, qui doit se refaire à la maison, et Nice qui est vraiment en perdition. Donc, On a envie de le voir, ce match, en tout cas. Je ne vais pas le rater. Hein. Je vais te dire que je vais mettre... Je fais des semaines que je vais coucher, tu vois. T'as dit quoi, toi, pardon? Je vais mettre Nantes, moi, qui faut qu'ils se lancent à la maison. Et Nice est vraiment pas bien en ce moment, donc je les vois bien sombrer encore. Ouais, je vais tenter Nice quand même, moi. Ouais, allez, Metz, Lyon. Ensuite, Metz 18e, Lyon 4e. Ouais, Lyon sans problème, qui est bien en ce moment. Ouais, je vais mettre Lyon aussi. Ensuite, on a Brest-Toulouse. Donc ça, c'est 17h15, tout ça. Brest-Toulouse. Brest 10e, Toulouse 8e. Je mettrais bien nul là-dessus, moi. Moi, je mets un nul, parce que je crois qu'on n'est pas mis en plus depuis tout à l'heure. Ouais, ensuite, on a Paris FC Angers. Paris FC 13e, Angers 11e. Ça, c'est des matchs qu'on n'a pas envie de voir, tout ça. Hein. Non. C'est ce qu'on vient de citer. C'est l'horaire court, hein. C'est multiplex. Hein. C'est ah ouais. Multiplex, donc, Paris FC Angers. Alors, Paris FC va un peu mieux. Angers, j'ai presque envie de mettre encore un nul là-dessus, mais. Ouais, ah la vache, celui-là il est dur celui-là. Je mets un nul encore. Il est chaud. Oh là là. Ça, c'est quoi, je vais tenter Angers. Hein. Allez, pourquoi pas. Hein. Et puis enfin, c'est 20h45, c'est ce dernier match entre Lille et Strasbourg. Lille est donc 5e, Strasbourg 7e, c'est une belle affiche, mais je vais mettre quand même Lille, mais ça va être un petit 2-1 seulement. Ou un petit 3-2, un petit 2-1. Allez, un petit 2-1. Je dis 2-2, moi. À Lille, je joue jeudi, hein. N'oublions pas. Et Strasbourg aussi, d'ailleurs. Et Strasbourg. Non, pas Strasbourg. Strasbourg, c'est fini. Ah non, c'est fini, c'est fini. Leur phase de Ligue est finie. Ouais, donc. Non, je dis 2-2 quand même. Allez. Ouais, c'est pas con, nul. Et alors, Lille, Le Havre Monaco, on revient là-dessus quand même. Ouais, tout à fait. J'ai entendu de faire mon résultat. Le Havre Monaco, je vais pas faire le con. Allez, Monaco. Allez. 5 victoires. On a combien de différents des pronos, là? 1, 2, 3, 4. Parfois, on a beaucoup. Et, 5 victoires à l'extérieur. Bon, pourquoi pas. Ça peut arriver. Qui, moi ou toi? Toi. Moi. Oui, exact. Ouais, bon, pourquoi pas. Ça peut être une journée à l'extérieur. Bon, on verra. Décision lundi. Allez, on se quitte avec l'agenda de la semaine. Il est 20h39. On va se quitter dans quelques minutes. Alors c'est fini d'ailleurs, hein, donc à Nancy, hein, Guingamp s'impose donc 3-0. Voilà, finalement, Côme mène 3-0 à Lazio, c'est presque fini. Ensuite, Séville a réduit l'écart 2-1 face à Elche, donc il reste 10 minutes encore pour revenir. Et puis Bournemouth mène toujours 1-0 à Brighton. Et donc, c'est la 79e. L'agenda de la semaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir suivre? Alors, et en attendant, je laisse Hugo le soin de choisir le tout titre à fait, de faire. C'est déjà en prod. Allez, donc cette semaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, biathlon, c'est une nouvelle dernière étape avant les Jeux Olympiques. Eh bien, ce sera un rendez-vous du côté de la République tchèque, donc à Nové Město, et on aura donc les relais mixtes, les derniers avant les Jeux. On aura un individuel et une mass start, donc voilà, à partir de mercredi jusqu'à dimanche sur la chaîne L'Équipe, bien entendu. Ensuite, on continue avec la suite du programme en handball. Donc, je vous l'ai dit, c'est la suite de l'Euro masculin. La France est qualifiée pour la suite, donc qui a gagné face à la Norvège tout à l'heure, on l'a dit, hein, le score 38-34, donc ça permet de faire premier et de faire le plein de points avant d'aller au tour principal. C'est important, on conserve les points emportés face aux équipes qui se qualifient, donc la France aura les 4 points possibles, le maximum possible, pour aller ensuite affronter les adversaires à venir. On aura 3-4 adversaires à jouer dans cette phase de ce tour principal, donc avec 6 équipes, hein. Donc voilà, l'objectif, c'est de se qualifier dans les deux premiers pour aller chercher les demi-finales de 7 euros. Donc voilà, la France aura probablement à faire comme adversaire, alors pour l'instant, Allemagne, Espagne possible, hein, c'est les équipes qui sont en tête de ce groupe A, et puis probablement Danemark, hein, c'est logique, hein, Portugal qui pourrait se qualifier aussi, donc dans le groupe B, donc voilà, ce seront les équipes qui seront a priori Voilà, celles qui vont se qualifier donc dans ce groupe-là. Donc les deux premiers de chaque poule se qualifient. Donc pour l'instant, c'est un peu ce qui se dessine. Donc les matchs auront lieu. Le premier match aura lieu jeudi. On aura un match samedi et un match aussi lundi prochain qu'on pourra suivre d'ailleurs. On n'a pas encore l'adversaire. Ce sera le deuxième du groupe A. Donc peut-être l'Espagne, peut-être l'Allemagne. Donc ce sera une belle affiche en tout cas. Et un dernier match mercredi. Voilà, et après, on enchaînera les demi-finales. Bien sûr. Fin de semaine prochaine, mais on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. En basket, je vous le disais tout à l'heure, Orléans qui va tenter de se refaire après une deuxième défaite consécutive avec une réception donc samedi, notez bien, 20h, réception de Quimper. Voilà, ce sera la Comet Arena pour essayer de se relancer dans cette Elite 2. On a ensuite donc du rugby, c'est le retour du top 14, hein, 15e journée de top 14 pour voilà, le retour après deux semaines européennes. Eh bien cette fois ce sera le retour du top 14. Et puis samedi, le RCO en National 2 reçoit reçoit par l'équipe de Moléon pour le compte de cette journée de National 2 pour essayer de rester, de continuer la belle dynamique qui voilà, qui est toujours bien accrochée à ce podium. Donc il faut poursuivre. En tennis, bien sûr, c'est la suite de l'Open d'Australie, hein, cette première semaine. Donc, beaucoup de Français, bien sûr, qui joueront notamment cette nuit, hein, je vous le disais tout à l'heure, des matchs dès 1h du matin. On aura MPJP Ricard, on aura Gaël Monfils. Demain matin, une belle affiche aux alentours de 9h, peut-être un peu plus tard. Hugo Gaston face à Yannick Sinner. Voilà, c'est un vrai défi pour le Français et face au tenant du titre, le numéro 2 mondial. Ça va être très chaud. Ça va être très chaud, mais pourquoi pas. J'aime bien Hugo Gaston, quand tu m'avais fait rêver, il nous avait fait un peu rêver. Ouais. C'était en quelle année, Roland Garros? C'était 2021-2022? C'était quand il avait été très quand bon avec ses amortis, là. Ouais, face à... j'ai oublié, d'ailleurs, face à qui c'était, face à... Je sais plus, mais il avait fait un beau parcours, quand même. Il était surprenant et élégant aussi, donc c'était sympa. Ouais. Donc voilà, gros défi pour lui, mais... pourquoi pas. Et bien sûr, on continuera de suivre Carlos Alcaraz en quête de son dernier titre manquant en Rochelle. Hein, et ce sera toute la semaine. Djokovic aussi toujours là et qui s'est qualifié hier donc cette nuit. Donc à suivre toute la semaine, bien sûr. Et puis en foot, bien sûr, on l'a dit hein, cette semaine, la Ligue des Champions. Donc des matchs dès demain. On l'a dit. Hein, le PSG déplacement au Sporting Portugal, Monaco en déplacement au Real. Vous avez un très bon, c'est 21h en tout ça. Il va falloir choisir. Et puis vous pourrez aussi choisir peut-être Inter-Arsenal. Il y a du choix. City jouera, on l'a dit, un peu plus tôt à 18h45. Déplacement à Bodø/Glimt. Mercredi, Marseille reçoit Liverpool. Belle affiche. Ça sera 21h. Voilà, globalement, c'est que il n'y a pas de grosses affiches après, hein, dans les autres rencontres. Et puis on l'a dit, aussi, hein, en Ligue Europa. On va suivre nos clubs français qui vont s'engager aussi dans cette septième journée. Lyon, déplacement en Suisse chez les Young Boys de Berne. Sachant que donc le match comme face à Lille ne sera pas diffusé. Oui. En raison du sponsor financier que possède les Young Boys, mais l'info est tombée tout à l'heure. Potentiellement Canal Plus réfléchit à quand même pas diffuser les images, mais d'avoir les commentaires quand même. Sans les images. Ah oui, ça peut être bizarre. Ouais. Ça peut être bizarre. Ça fait un peu en mode radio ou un peu en mode l'équipe télé, hein, la chaîne de l'équipe. Oui. Qui fait ça quand ils n'ont pas, les droits sur des gros matchs, sur des grosses soirées. Parce que Canal Plus s'y réfléchit, donc à suivre dans les prochaines heures si ça va vraiment se faire pour le match de Lyon. Bon écoute, on verra ça. En tout cas, ce sera jeudi à 18h45. Ça compte. Et puis Nice elle reçoit l'équipe des Eagles, les Hollandais de Go Eagles. Sera peut-être pas nombreux devant le match non plus. Non, je t'avouerais que Nice, en plus, qui a pas pris un point face à une équipe qui a 6 points, qui est 28e. Ouais, je t'avoue que c'est pas trop la fiche que j'ai regardé. Lille, déplacement au Celta Vigo. Ça, c'est intéressant. Lille qui est 20e. Voilà, il faut gagner. Il doit gagner. Celta Vigo qui est 19e, hein, qui a 9 points aussi. C'est vraiment les équipes qui ont les mêmes stats, donc il faut, c'est vraiment un adversaire direct, il va falloir gagner pour pour Nice, éviter le zéro pointé, hein. Ce sera 21h ces deux matchs-là. Voilà, puis on l'a dit, Strasbourg, hein, qui a terminé sa phase de poule et qui s'est qualifié brillamment en tête, donc qui va aller en 8e directement, donc ça sera un peu plus tard. Voilà pour le programme. Puis après, bien sûr, retour du championnat à partir de vendredi. Hein. Bien sûr, on l'a dit, on a toutes les affiches qu'on vous a données. Et la Ligue 1, évidemment. L'USO reçoit Sochaux vendredi, match crucial face au troisième. Et on est au quatrième, donc voilà, match évidemment très crucial. Voilà pour ce qui nous attend toute la semaine, encore beaucoup de choses. On va se quitter avec un dernier titre. Et puis, bien sûr, on se retrouve là, lundi prochain, 20h30 pour la suite, avec tout ce débrief de cette Coupe d'Europe, les clubs français qui peuvent se qualifier dès demain, dès mercredi, voilà, et dès jeudi aussi pour les autres, pour Lyon notamment. Mais voilà, c'est une semaine cruciale pour nos clubs français. On se quitte avec ce titre, Sail, Avol Nation, on se quitte avec ça. Hugo, merci, rendez-vous lundi prochain. Ouais, tout à fait. Merci à toi, merci à toutes et à tous. Bonne semaine, en espérant des très bons résultats de nos Français. Bonne semaine, ciao. Ouais, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Yeah! praia de Santa Cruz, Torres Vedras, um ninho com ovos de dinossauro com 150 milhões de anos. Segundo os paleontólogos, os ovos datam do Jurássico Superior, à altura dos primeiros planos para o novo aeroporto de Lisboa e do início da Operação Marquês. Isaltino Moraes já fez saber que teve pena que a descoberta não fosse feita em Oeiras. Realmente foi pena. Pedi logo ao restaurante Cozinha da Olguita para fazer uns ovos mexidos que deviam ficar uma categoria. Umas ervilhas com ovos de dinossauros escalfados. Ai, que delícia, que sabor! Ai, rir é o melhor remédio. O Portugalex regressa amanhã. Tem todos os episódios também guardados para ouvir quando quiser, onde estiver, no site e aplicação RTP Play. Pensa em mim, convida-nos João Couto e os Perpétua. Ligo-te, mas logo tenho tempo. Vou desligar do mundo um momento. Um bocado só já me contento. Ver-te logo no ecrã é tudo o que penso. Sabes que por mim isto não ficava só, só por aqui. Mas sabes que não vai ser sempre assim. Pensa em mim enquanto a distância não tiver um fim. Enquanto tenho tempo a mais e não dá para fugir, guarda-me bem perto, pensa em mim. À espera desse instante o dia inteiro, a ver quem manda a mensagem primeiro. Nem que a nossa hora saiba há pouco, quero ir para o meu cantinho e tirar-te do meu bolso. Sabes que por mim tu não estavas só aqui.